Après, je pense qu'il y a deux périodes. Il y a la période où tu es éducateur du club, et il y a la période où tu es éducateur du club, mais qui se forme. Si un mec de Saïd, distant, qui commence à entraîner et qui me dit j'aimerais en faire mon métier, ou j'aimerais pouvoir me développer dans ce domaine-là, je lui dis, mais passe ton temps sur le terrain, en fait. Je pense qu'un bon, s'il y avait un bon pédagogue, c'est quand même un mec qui est capable d'émanciper ses joueurs. Tu vois. Du coup, j'essayais de dire, moi, mon groupe, comment il fonctionnait quand j'étais joueur, voilà ce qu'on aimait un peu. Tu vois. Et ce qu'on aimait, c'était. Ce qu'aiment ces joueurs-là, au-delà du foot, c'est de passer un bon moment. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, ou en fonction de là où vous vous situez sur notre très chère planète, mes salutations devraient convenir à tous les francophones d'entre vous ou ceux qui souhaiteraient apprendre le français via ce podcast. Pour ce 14e épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Monsieur Kevin de Jésus, que j'ai eu le plaisir de rencontrer durant mon parcours STAPS, qui nous permettra justement d'aborder ce moyen de pouvoir devenir éducateur, entraîneur, dans le sport ou dans le football. Nous parlerons aussi de la formation des jeunes footballeurs en région parisienne, là où nous sommes beaucoup intervenus tous les deux, avant de nous envoler pour le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, où il a passé quelques années, qui le mena justement en victoire de la Coupe Gambardella, et nous parlerons plus précisément comment son œil s'aiguise, son sens de l'observation, que ce soit à l'entraînement et durant le match, pour pouvoir permettre aux jeunes de tendre vers le monde professionnel. J'espère que son contenu, en tout cas, pourra attirer votre curiosité. Je vous souhaite une excellente écoute. Le confinement oblige, t'es à la maison. Hein. Je t'avoue que... Tout le monde dort encore. D'accord, ok. Ok, parfait. D'accord, ok. Non, parce que je te dis ça, mais des fois, ça dure un petit peu longtemps, même. Moi, il m'arrive que je pose pas mal de questions. Ah, pas de problème. Ok, c'est cool. Tu vas bien, Kevin? Ah, moi, ça va, on est là. On est là, on est tranquille. On est posé, hein. Ouais. Confinement tranquille. Un confinement, ouais, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas bien le choix. Hein. Ouais. On n'a pas bien le choix, on s'occupe, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'accord. Enfin, on n'a pas l'habitude de faire à ce point. C'est-à-dire? Tout ce qui est lié à, tu vois, lire des livres, regarder des reportages, le nombre d'heures que je passe sur YouTube, le nombre d'échanges avec d'autres coachs aussi, c'est. C'est des choses qui sont multipliées à ce moment-là, tu vois. Ok. Il y a des exemples, là, par exemple. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Là, tu vois, c'est beaucoup de conférences. D'accord. Sur beaucoup de conférences d'entraîneurs qui sur différents domaines de l'entraînement qui me semblent très intéressantes, tu vois. Soit au niveau d'entraînement terrain, entre guillemets, méthodologie, préparation physique, management, des choses comme ça. C'est des choses que, enfin, des fois, tu n'as pas forcément le temps de prendre une heure entière à regarder quelque chose. Là, je prends le temps. C'est plutôt sympa. Ouais, t'en as une ou deux là à recommander là. Tu penses à quelque chose en particulier? Voilà, tu vois, là, je viens de voir une sur, juste avant qu'on s'y au téléphone, je viens d'en voir une sur Arsène Wenger, là. Celle de 30 minutes, là. Management. Voilà, qui dure une trentaine de minutes. Après, j'en avais regardé quelques-unes, là, sur, qui étaient plutôt en espagnol. D'accord. Je prenais un peu le temps de regarder sur des choses comme ça, tu vois, des méthodes de jeu d'entraînement sur ce qui peut se passer en Espagne ou... Et là, je me mets un peu à l'anglais, du coup, j'arrive à capter deux, trois trucs, et franchement, je prends plaisir à le faire, quoi. Et qu'est-ce qui se passe un peu en Espagne, là, en ce moment, par rapport au... Est-ce que tu regardes en ce moment? Un peu ce qui se passe un peu ici, hein. Ils sont aussi en confinement, des fois, tu vois, du coup, il y a des gens qui souhaitent échanger, qui souhaitent discuter comme on est en train de le faire là maintenant, tu vois, c'est un peu cette démarche là. Donc cette période elle est difficile pour tout le monde, mais tu vois, ça permet à des personnes de discuter, d'échanger sur leur passion, et c'est ça qui me semble très intéressant, tu vois. D'accord. En général, on n'a pas forcément le temps, Ouais. avec toutes nos, soit nos vies professionnelles ou personnelles. Oui. Bon, en ce moment, avec un peu plus de temps, entre guillemets, bah, ces personnes-là, et puis je leur en remercie, parce que c'est super intéressant de pouvoir exposer certains détails de leur entraînement, de leur vie, ou des choses comme ça, tu vois. Et tu le vois dans tous les domaines un peu. Toi, tu vois un peu sur Instagram, où des fois, c'est rien à voir avec le foot, hein, mais tu vois des choses sur de la cuisine, tu vois des choses sur plein de choses différentes, tu vois. Et ça qui est intéressant, le fait de, même si on est éloigné, moi, je te disais que c'était quand même une chance de pouvoir avoir accès à ces contenus-là, tu vois, et c'est des contenus qui sont aussi ouverts à tout le monde, et qui sont aussi gratuits, donc c'est hyper intéressant. Là, par rapport aux conférences en espagnol, tu faisais, tu, y a quelque chose à partager, t'as quelque chose à partager avec moi là, que t'aurais vu ou à me recommander? Bah, petit, y a rien de bien foufou, mais c'est par exemple. Joan Villa qui va t'expliquer, qui était donc responsable de la méthodologie au Barça, qui t'explique un peu leur méthodologie, comment ils développaient leurs joueurs, en fait. Tu vois, c'était des choses du genre. Tu vois, qui te permet justement de toujours tenir en alerte, en fait. Tu vois, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'était lui que j'avais écouté il y a quelques jours. Et donc, tu vois, c'est des choses qui te permettent justement de te mettre en alerte, qui te permettent de dire, ah, il se passe des choses intéressantes de partout dans le monde, tu vois. Et moi, qui suis quelqu'un de particulièrement, entre guillemets, ouvert, bah, j'essaie de voir ce qui se passe ailleurs, essayer de se cultiver un petit peu. Et je pense qu'on se cultive aussi avec des gens qui des fois ils parlent pas notre langue, ou qui pensent aussi différemment, ou tu vois, c'est des choses qui c'est, je suis un peu dans cette gamberge-là, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parler à des gens qui ont des fois rien à voir avec le foot aussi, tu vois, Ouais, c'est bien un peu sûr. ça Ouais. qui me fait kiffer, quoi. Et c'est quoi les petites lectures du moment là? Les petites lectures de confinement? Voilà, il y a même des grosses lectures, parce que ça entre guillemets, j'ai le temps. J'ai le Ouais. temps, je me lève tôt le matin, donc j'arrive même à des fois à lire un livre le matin et un autre livre l'après-midi, ce que je faisais pas, alors qu'avant je lisais, je prenais un livre et je prenais le temps de lire que ce livre-là. Là, j'essaie de me dispatcher un petit peu. Mais là, tu vois, il y avait beaucoup de biographies de coach aussi, tu vois, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de. Je suis un peu dans cette démarche du podcast que tu crées, tu vois. Et genre, j'ai écouté les autres podcasts sur un peu les retours d'expérience. Tu vois, je te donne un exemple, les biographies de Pep Guardiola, là, de Marty et Pierre Arnaud, qui sont hyper intéressantes, tu vois, ou des biographies sur Ancelotti, ou je n'ai une sur Tourelle, tu vois, des choses. En fait, ça te permet justement de communiquer avec entre guillemets, le coach, sans avoir accès à lui, tu vois. Bien sûr, ouais. Ce qui est chiant, c'est que t'as pas sa réponse, t'as plein de questions, mais t'as pas forcément sa réponse. Mais tu vois, ça te permet justement d'avoir accès à certaines idées, tu vois. Après, je lis beaucoup de livres qui n'ont rien à voir avec le foot aussi, tu vois. Beaucoup de Tu vois, sur un peu de la philosophie, sur Edgar Morin, ça me plaît assez. Des livres sur du management, tu vois, qui ont rien à voir avec le foot, qui parlent pas forcément de foot, mais j'arrive ou j'essaie, entre guillemets, le plus possible de pouvoir faire un lien, pouvoir faire un transfert sur ce que j'ai lu, sur ce que je peux retrouver sur le terrain et en dehors, quoi. Mais tu vois, il y a diverses lectures. Là, tu vois, en ce moment, j'avais lu aussi des livres aussi encore en espagnol, parce que j'ai cette chance-là de pouvoir lire ce genre de livres. Mais tu vois, il y a plein, plein, plein, plein de livres qui sont super intéressants pour des entraîneurs, tu vois. Aussi bien liés au management que sur de la méthodologie d'entraînement. Tu peux lire un livre en espagnol? Ouais, aisément. Ah, aisément, aisément, je sais pas si c'est aisément, mais en tout cas, j'arrive à lire. J'arrive à lire. Après, des fois, tu as toujours des mots que tu ne comprends pas. Bah, tu as toujours Google Translate. Et puis, à un moment donné, quand tu as réussi à lire un livre, bah, les mots, ils reviennent. D'accord. Ouais. Là, je me suis mis à l'anglais. Je retrouve aussi que tu vois, souvent, il y a des mots qui reviennent. Du coup, la compréhension, elle est facilitée aussi, tu vois. Parfait. Ok, bon, c'était des questions que je pourrais inclure ou pas à notre échange, mais c'était comme ça par curiosité. Généralement, Kevin, je commence le podcast. Il n'y a pas de forme parfaite. Je ne sais pas si tu as écouté un peu. Pour l'instant, ma structure, elle est loin d'être parfaite. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais garder ou que je vais corriger ou améliorer ou adapter. Je verrai. Néanmoins, pour rendre les choses... un peu plus formel, disons que je te souhaite la bienvenue sur ce podcast, monsieur Kevin de Jésus. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à partager durant ces prochaines dizaines de minutes, voire un peu plus. C'est surtout sympa de ta part de m'inviter. Je suis très content pour toi et je trouve que ce que tu fais c'est très bien. Enfin, ce que tu essaies de ouais. Ce que tu essaies d'initier, c'est très bien, parce que moi j'ai entendu et vu plusieurs podcasts ou des choses comme ça, et je trouve que les personnes qui font ce genre de choses, ils font des choses que moi je serais incapable de faire, et je trouve que c'est très très très bien de pouvoir échanger, de pouvoir justement à permettre à certains éducateurs d'échanger, de pouvoir écouter certaines choses. Moi, je me nourris de différents podcasts, tu vois. Presque hebdomadairement, j'ai toujours des podcasts à écouter et c'est formidable, je trouve. Je tiens, avant de démarrer, depuis quand tu t'es mis au podcast, là, vraiment par curiosité, et tu les écoutes à quel moment, là, du coup, les podcasts tu... Bah, je me suis mis au podcast, il doit y avoir peut-être 4-5 ans. Tu vois, quand je rentrais sur toi, quand je rentrais sur Paris, tu vois, dans le train ou des choses comme ça, tu vois, pour faire entre guillemets, au début, tu dis bon, tu sais même pas que ça existe, tu vois, exact. Tu sais pas trop que ça existe, tu te retrouves à dire bon, allez, tu te retrouves à avoir les premières plateformes de streaming. Où justement il y a des podcasts qui sont proposés, tu dis ah bah je vais en écouter un ou deux, et du coup tu te retrouves à trouver un podcast qui t'intéresse, tu dis ah bah je vais écouter ce podcast, il y a un thème qui va t'intéresser sur plein de thèmes différents, tu vois. Mais voilà, il y a 4-5 ans j'ai commencé à écouter des podcasts, tu vois. Lesquels par exemple? Vas-y, moi ça fait que un an que j'en écoute, donc bah tu vois, moi j'avais écouté beaucoup le podcast Vue du banc. Ah, exact, parce bien que, joué. Parce qu'il y en a, il y en a, un classique. Ils en ont fait pas mal et ils en font encore. Du coup, c'est un podcast que j'écoute récemment. Et tu vois, quand t'es en voiture, que tu prennes 20 minutes, une demi-heure à écouter ces podcasts, c'est toujours intéressant. Tu vois. Oui, c'est vrai. C'était vraiment entre guillemets, l'un des premiers que j'ai écouté. Ouais. Après, j'avais écouté un podcast qui s'appelait Banquette. Bien sûr, mais oui. Je faisais des podcasts que j'ai écoutés, tu vois, ça me semble aussi très, très intéressant, tu vois. Ouais. Ça, c'est les premiers podcasts que, tu vois, quand j'ai eu, entre guillemets, Spotify, c'est là que j'ai pu écouter en termes de football, tu vois. Ouais, ouais, tout à Après, fait. Après, j'en ai écouté d'autres qui n'avaient pas forcément lié au football, mais c'était les premiers que j'ai écoutés, c'était vraiment ceux-là, quoi. Non, c'est bon à savoir. Ok, merci, Kevin. Ouais, je te remercie. En même temps, merci à toi de d'accepter de jouer le jeu, de partager. Il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que t'as un parcours extrêmement riche à partager, même si ces propos n'engagent que moi. Et on va essayer de partir justement à la quête à cette richesse durant ces prochains moments. Il est fort possible qu'il y ait des personnes qui écoutent cet échange-là, qui te connaissent. Il est fort possible qu'il y en ait qui ne te connaissent pas. Et Kevin, je te demande, est-ce qu'il serait possible, évidemment avec ton accord, parce que dans ce podcast, rien n'est obligatoire, Est-ce que il n'y a aucune présentation qui est parfaite, mais si des personnes ne te connaissaient pas ou te connaissent, souhaiteraient en savoir davantage à ton propos, comment est-ce que tu te présenterais? Ça, c'est des questions qui sont difficiles. Hein. Faudra peut-être demander à ma femme, ce serait plus simple peut-être. Mais c'est super difficile de se présenter. Si j'essaie de me présenter rapidement, bah, vous avez mon prénom, mon Kevin de Jésus. J'ai 26 ans. Donc voilà, je suis éducateur, entraîneur de, entre éducateur de foot depuis quelques années déjà. Et puis, je suis originaire de la ville de La Courneuve. De La Courneuve, donc. Région parisienne en Seine-Saint-Denis, c'est tout, hein. Voilà, c'est une présentation assez administrative, mais je pense au cours de discussion, on pourra en discuter un peu plus. Bien sûr, il y a. Je pense que ça viendra naturellement. Mais carrément, carrément. Parce que se présenter comme ça, c'est quand même pas simple. Je sais même pas, tu vois, je sais même pas dans cet échange qui se met le plus à nu. Est-ce que c'est moi qui justement essaye de, tu vois, de partager, ou est-ce que c'est les personnes avec qui j'échange et finalement à qui je pose parfois des questions qui peuvent être un peu intrusives et qui finalement peuvent se mettre à nu. Donc moi je peux parfaitement comprendre que parfois ça soit pas évident de répondre à certaines de mes questions. Ouais, je pense après c'est ben, lancer comme ça, c'est vrai que c'est jamais bien évident, mais je pense que au fur et à mesure de la discussion, ben, finalement on va apprendre à me connaître de manière un peu plus naturelle que comme ça, je pense. Exact, tout à fait. C'est pour ça que je sais jamais vraiment comment, dans l'intérêt et avec le plus de bienveillance que j'essaie de mettre en place, je sais jamais vraiment comment commencer l'échange. J'essaie le fait que ce soit le plus spontané possible, le plus anodin possible, pour justement que même moi je sois à l'aise, parce que ça se voit peut-être pas parce qu'il n'y a pas de vidéo mais je suis pas forcément très à l'aise non plus. Bref, dis-moi Kevin, déjà tu vois, La Courneuve, je ne savais pas. À quand la deuxième question, elle est aussi assez libre, mais elle va peut-être nous en dire un peu plus à ton propos. Même si moi je connais quand même un peu plus ton parcours que certaines personnes qui m'ont écouté. Là, on va faire appel un petit peu à tes souvenirs. À quand serais-tu capable de situer le début de ta vie d'éducateur, de ta vie d'entraîneur? Ma vie d'éducateur, avant de commencer par moi, j'ai envie de dire que ma vie avec le football déjà, parce que je pense que ça part de là. Que tu deviens éducateur ou entraîneur en foot parce que tu as commencé avec une certaine connaissance, une certaine amour de ce sport, tu vois. Et moi, je me rappelle pas quand ça a commencé, parce que je pense que un peu comme beaucoup d'entre nous, on est passionné, et c'est quelque chose qu'on saurait pas l'expliquer, tu vois. Et moi, je me rappelle même pas quand ça a commencé, mais je me rappelle en tout cas que moi, j'ai un père qui est fan de foot. J'ai toujours eu chez moi Canal+, tu vois. C'était sur cette chaîne-là, surtout que tu pouvais voir du foot quand j'étais enfant. Et je me rappelle les soirées de Ligue des Champions quand j'étais en maternelle et que je me cachais pour regarder le foot, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment donné, si tu te caches pour voir quelque chose, et tu te dis, bon, je risque quand même de me faire gronder, de me faire disputer. Et tu te dis, bon, c'est que t'aimes vraiment ce sport, tu vois. Et je me rappelle aussi à ces périodes-là, tu vois, mon père foot à la télé, beaucoup de foot, hein, depuis ma tendre enfance. Et tu vois, lui, je me rappelle aussi, tu vois, encore très, très jeune, mon père, il joue aussi au foot. Il était dans un club, tu vois, où il y avait de ses collègues à lui, en fait, de ses collègues du pays aussi, tu vois, qui venaient du Cap-Vert comme lui, tu vois. C'était une sorte d'association qui mélangeait un peu le foot, qui mélangeait un peu une sorte d'une vie associative, tu vois. Même les femmes qui étaient très présentes dans cette association. Et je me rappelle que tous les week-ends, j'allais voir mon père jouer au foot, tu vois, même si c'était entre guillemets un simple niveau amateur, mais j'étais super content de pouvoir taper sur le ballon. Et après, au fur et à mesure, mon père, il avait arrêté, il était devenu aussi entraîneur, tu vois, sur un club aussi qui était aussi un club entre guillemets de Cap-Verdien, même s'il y avait d'autres aussi d'autres personnes, mais c'était un club avec beaucoup de Cap-Verdien. Du coup, tous les week-ends, j'allais voir mon père entraîner. Tu vois, donc c'est des choses qui depuis tout jeune m'ont accompagné, tu vois, le fait de voir des terrains de foot, le fait d'être sur les terrains de foot, c'est des choses qui, tu vois, qui c'est, entre guillemets, comme je te dis, je sais même pas quand est-ce que ça a commencé, parce que j'ai l'impression que ça m'est un peu tombé dessus, tu vois, et par chance, parce que aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, tu vois. Et au-delà que ce soit mon métier ou autre, ça, tu vois, le fait d'entraîner, le fait d'être sur un terrain de foot, avec tout ce qui comporte, hein, c'est quelque chose que j'aime faire au quotidien. En fait, moi, je pense que je me régale à poser des questions. J'en suis devenu. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'y prends énormément goût, et en fait, quand je balance une question, j'ai pleinement conscience qu'entre ce que je dis et comment c'est interprété, il va y avoir une différence. Et en fait, j'ai arrêté d'avoir des attentes par rapport à la façon dont je pose les questions, même si elles sont parfois plus ou moins ciblées. Bah, je suis un grand spectateur de la vie, et un grand spectateur que lorsque je balance une question, bah, je me dis, qu'est-ce que va me répondre la personne? Et c'est comme un cadeau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pars à la pêche, je balance ma ligne, et je me dis, waouh, quel cadeau je vais obtenir de la personne qui va gentiment, généreusement me donner une réponse. Et je trouve déjà cool que lorsque j'ai une réponse, qu'une personne me donne, lorsque j'ai une question, qu'une personne me donne une réponse. Donc, non, moi je dis oui, d'accord. Là, on apprend que j'apprends que tu es Cap-Verdien, Kevin. Ouais. D'accord, ok, bah tu vois, je savais pas. D'accord, ok, bah tout commence c'était une association proche de la Courneuve à ce moment-là. Franchement, j'étais en maternelle. Un peu jeune. À l'époque, d'accord. Toute ma période maternelle, donc ça remonte, j'étais à Saint-Ouen, moi. Mes parents, d'accord. J'ai déménagé à la Courneuve avec mes parents à l'entrée de CP, tu vois, l'été avant d'entrer en CP. D'accord. Ok. Tu vois, donc, ça devait être autour de Paris, tu vois. Mm-hmm. Ouais, je sais plus vraiment trop où c'est, tu vois, mais il y avait des fois, je sais qu'il y avait tu vois, le stade à la Motte, là, Bobigny, Panta. Tu vois, je sais que mon père, je l'ai déjà vu jouer là-bas, par exemple, tu vois. D'accord, ouais. Et après, quelques années après, j'ai fait quelques cours là-bas, et toi aussi. Exact, stade de la Motte. D'accord, ok. Non, mais ouais, ok. Moi, je peux comprendre pleinement que ça a commencé comme ça, par la passion du père. Ouais, non, c'est pas anodin que maintenant, on le voit encore, hein. Lorsque je rencontre moi un collègue, un passionné un entraîneur qui justement par la passion emmène son fils, sa fille, ses enfants sur le terrain, et que tu sais on les voit se régaler, on les voit venir assez régulièrement sur les terrains, il n'est pas surprenant que ces enfants-là développent déjà des qualités techniques un petit peu plus avancées que d'autres, et puis des fois des qualités de leadership par rapport à d'autres. Moi, c'est pas quelque chose qui m'étonne là quand on y repense. Mais je pense que il y a chose que je pense que ce que tu vis en tant qu'enfant, ça te forme en tant qu'adulte, tu vois, forcément, tu vois, t'es très impacté parce que ta vie. Et moi, quand j'étais enfant, tu vois, j'ai passé que des bons moments sur le terrain de foot. Tu vois, je me dis, mais quand tu vois, j'allais voir mon père, tu vois, j'avais un ballon, j'avais ceci, j'avais donc tu avais d'autres petits aussi qui étaient là, tu jouais au foot, tu voyais les matchs, tu vois, et puis dans ce sport, je connais beaucoup plus le foot que d'autres sports, je pense que dans d'autres sports ça doit être pareil, mais le fait de vivre des émotions et le fait de les vivre aussi, même tu vois, tu vis des émotions dans un terrain de foot au-delà du niveau, tu vois, que ce soit, je pense que finale de Coupe du Monde ou un petit match entre copains, Tu vois, on a tous vécu des grosses émotions de football, tu vois, et pour autant, on n'a pas été champion du monde, on n'a pas, tu vois. Et je pense que, tu vois, c'est ça qui fait la beauté de ce sport, en tout cas, tu vois. Le fait d'être avec des gens, tu vois, le fait Vas-y. avec des personnes, Ouais, vas-y. partager des émotions avec des personnes, Partage, vas-y, je pense partage. que Excuse. c'est ça qui me permet aujourd'hui, enfin, qui m'a permis à un jour de me dire, ben, pourquoi pas faire cette chose-là, tu vois. Déjà jouer au foot et après entraîner. Bien sûr. Et Tu vois, je pense partage-moi que c'est. un bon souvenir, une bonne émotion liée au foot. S'il fallait en citer une ou deux. Bah, après, il y en a beaucoup, tu vois, il y en a beaucoup, tu vois. Et après, chaque souvenir a ses périodes, enfin, chaque souvenir a ses périodes et chaque moment a été vécu amplement, tu vois. Moi, j'ai deux souvenirs après, c'est deux souvenirs qui sont des victoires, entre guillemets, mais tu vois, j'ai d'autres souvenirs qui sont pas forcément des victoires, mais on va dire les deux qui me marquent le plus aujourd'hui, il y en a deux. Il y a eu la finale de Gambardella, donc on a gagné la saison passée. Ça, c'était un fort souvenir parce que c'est une aventure. Et puis, je me rappelle aussi quand j'étais encore joueur à Drancy, l'année où on monte de moins de 15 DH à U17 nationaux, tu vois, c'est des choses qui. Tu vois, c'est des souvenirs qui. Tu vois, quand je pense que les gens, tu les revois avec les joueurs avec qui tu as joué ou que tu as entraîné, tu les revois dans 10-20 ans, c'est quelque chose que tu parleras encore, tu vois. Parce que tu as vécu ce sport et aussi grâce aux victoires, tu permets de vivre des choses formidables. Ça me là comme ça spontanément je repense un peu à la vidéo à la vidéo de la victoire de la Coupe du Monde où Didier Deschamps il annonce à son vestiaire tu sais bah, chacun à la suite de sa aventure la France les Français de les joueurs de l'équipe de France vont chacun prendre probablement des chemins un peu différents mais que lorsque Didier Deschamps prend la parole et leur dit bah il y a une chose qu'on pourra pas leur enlever c'est d'avoir ça en commun. Et les propos dont tu fais part font un peu écho avec avec cette image-là que j'ai en tête où, en gros, tu mentionnes un peu que tu es lié à vie avec ton staff technique et les joueurs de cette aventure-là. C'est un peu ça, tu fais référence, j'imagine. Mais forcément. Ouais. Parce que le fait d'avoir justement vécu des émotions, et des fois, tu vois, le fait de vivre des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est des choses qui te marquent à vie. Tu vois, il y a des moments de vie qui sont un peu plus plats et que tu oublies un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées et qu'on a fait pourtant. Mais des choses avec autant d'émotions, tu t'en souviens toute ta vie, tu vois. Et c'est en ça qu'on a envie de vivre ces choses-là, tu vois. Moi, tu vois, le fait d'avoir, là, je t'ai donné deux souvenirs qui sont gagnants. Mais tu vois, je me souviens aussi des moments passés à la fac, tu vois, où j'ai appris pas mal de choses, les moments sur certaines formations fédé aussi, où j'ai appris pas mal de choses, où y a des mecs qui t'ont marqué aussi, tu vois. Du coup, tu vois, je pense que la clé de tout, ça reste aussi cette petite émotion-là, qu'elle soit. En fait, elle te touche, et du fait qu'elle te touche, elle te marque à vie. Bon, là, tu nous as un peu spoilé l'épisode, je suis content. C'est sûr qu'on va y venir petit à petit, mais il y a énormément de richesses. C'était en train de poser les graines petit à petit. Il y a eu la fac, il y a eu des passages à Drancy en tant qu'éducateur, en tant que joueur, et des passages ben, notamment dans ton club actuel, où notamment vous avez un parcours semé de victoires en ce moment. Mais on va y venir petit à petit. Là, j'ai une petite question. Ouais, effectivement, tu mentionnes. Moi, je suis convaincu un peu d'une chose, c'est que pour avoir des souvenirs, il faut quand même pas mal d'émotions. Et là, effectivement, tu me parlais d'émotions, mais tu me parlais d'émotions liées à des aspects de victoire. Mais ouais, tu m'as vite coupé l'herbe sous le pied en mentionnant d'autres émotions où il y a eu des apprentissages sur ton parcours. Est-ce que justement, attends, la question ce serait Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, cette émotion-là, en faisant ce métier-là? Ou finalement, c'est quelque chose que tu n'avais pas imaginé et puis que tu sais, c'est un peu la cerise sur le gâteau? Ou je ne sais pas si tu comprends un peu la question. Quand, là, je vais Ouais, je pense compléter par savoir quoi. exemple. Excuse-moi, Kevin, je vais compléter par exemple parce qu'on a regardé tous les deux justement le même interview là, d'Arsène Wenger, les une demi-heure là, par rapport à l'échange là, qui est sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et notamment lorsque Arsène Wenger dit bah, tu sais, est-ce qu'il a l'âge, mon aîné, il a l'âge de prendre, il a l'âge de faire une pause. Et puis bah, on est bien content de l'écouter là, qu'il partage un peu son savoir. Là, c'est 35-40 ans d'expérience. Et justement, à un moment donné, il lui dit bah, tu sais, est-ce qu'il va reprendre? Bah, il sait pas parce que c'est un peu la jungle, donc il est un peu fatigué de ça. Mais en même temps, il a un manque, tu sais, il a l'adrénaline. L'adrénaline, ça lui manque. Je pense que tu dois voir de quelle période, de quel passage je parle dans la vidéo. Est-ce que justement, tu sais, je te demande pas un peu les raisons qui t'ont amené à faire ce métier, mais est-ce que justement, maintenant que tu as connu ces émotions-là, est-ce que tu souhaites les revivre ou est-ce que tu faisais un peu ce métier pour vivre ce genre d'émotions? Déjà, Monsieur Wenger, déjà, c'est Monsieur Wenger, ouais. ce qu'il a vécu comme émotion. Je pense que j'aime pas mettre des hiérarchies ou des choses comme ça, mais il a vécu tellement de choses, du fait de sa grande expérience. Tu te dis, mais et lui, il a été dedans pendant de telles années et avec autant de succès. Il a dû vivre des choses formidables. Et je pense que le fait d'avoir vécu ces choses formidables, des fois, tu as peut-être envie de dire, ah, mais j'aimerais bien encore en avoir un petit peu, tu vois. C'est comme quand, tu vois, tu finis, t'as ton assiette sur ton repas un peu préféré, et sur ta dernière coup de fourchette, tu te dis, ah, j'aimerais qu'il y en ait encore un peu plus, tu vois. Et je pense que c'est cette idée-là. C'est-à-dire que moi, je fais ce métier parce qu'il y a aussi des émotions, mais il y a surtout parce qu'il y a des relations humaines, tu vois. Je pense que c'est surtout ça que j'ai envie. Et le fait d'avoir des interactions avec les joueurs au quotidien, forcément, vu que tu es avec des humains, tu as forcément ces émotions-là, tu vois. Et j'ai pas forcément en tête de dire je veux gagner pour avoir ces émotions. J'ai pas cette idée-là, mais surtout, je dis, j'aimerais encore vivre des choses, parce que je vis des choses avec des joueurs, je vis des choses avec un staff, je vis des choses avec des humains, en fait. Et c'est ça qui me plaît, moi, c'est être toujours, quotidiennement, en relation avec des gens, tu vois. Et c'est surtout ça qui me plaît, tu vois. Je me vois pas faire un métier tout seul, tu vois, ou faire un travail tout seul. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir être d'accord, être pas d'accord. Je pense que c'est surtout ça, que pour ça que je fais le métier, pas forcément pour gagner des choses. Après, peut-être que c'est en gagnant des choses souvent que tu y prends goût aussi, peut-être, tu vois, mais j'ai pas suffisamment gagné pour avoir cette idée-là, tu vois. Mais le fait de dire je veux vivre des choses avec des gens, c'est ça l'énergie, c'est ça mon énergie, en fait. Bon, sinon ça a commencé un peu là pour reposer un peu la question, mais un peu plus précise. Elle commence comment ce parcours d'éducateur? Il commence comment? Ça commence où? C'est quoi les premières saisons en tant qu'éducateur avec Kevin? Franchement, j'ai commencé jeune. J'ai commencé, je me rappelle plus, de 14 ou 15 ans, tu vois. Mais ça a commencé de manière très inattendue. Je sortais d'un entraînement, je me rappelle même plus si c'était en 14 ou en 15, mais c'était la première année où tu jouais le dimanche. Et D'accord. je me rappelle plus si c'était 14 ans ou 15 ans, tu vois. Et du coup, il y a un mec de Drancy, tu vois, qui arrive et qui sort, qui nous met dans le couloir des vestiaires et qui nous dit, toi demain tu vas au siège du club, donc c'est à Paul-André, toi demain tu vas à Paul-André à 13 h et tu vas entraîner les petits, tu vois, grosso modo. Et en fait, ils étaient un peu en recherche d'éducateurs, et du coup, ils sont allés voir les jeunes du club en disant, bah vas-y, toi tu vas, il y en a qui, tu vois, c'était un peu à la rigolade en disant, bah, je vous l'ai dit, mais vas-y, je rigole, mais venez quand même. Tu vois, je l'ai un peu pris comme ça et on était deux, trois à dire, vas-y, on y va, ça va être marrant. Ou, tu vois, mais vraiment pas à dire, je vais faire l'année ou des choses comme ça, tu vois. Et du coup, ouais, donc voilà, 14, 15 ans. Et du coup, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mon survêt et je vais entraîner les petits, tu vois. Et c'était la première année, c'était la première année débutant. Du coup, ils avaient 5 ans par là. Mais je te promets que je voulais plus y retourner. Sérieux? Ah, c'était. Ah, ils m'avaient usé, les petits. J'avais jamais. Mais c'était la première année, c'était la première fois de. Mais c'est la première fois de ma vie que je m'occupais d'autres personnes que de moi. D'accord. Tu vois, quand tu arrives à l'adolescence, tu t'occupais de personne. Tu vois, la majorité des adolescents, à part quand tu t'occupes un peu de tes frères et sœurs, mais allez, une heure ou deux, ou par-ci, par-là, ou tes cousins, cousines, mais c'est la première fois où on m'a donné des responsabilités. Tu vois, c'est-à-dire que et ce moment-là que j'ai vécu avec ces joueurs, bah, la première séance, c'était pas évident parce que déjà du fait de leur âge, déjà, du fait de mon inexpérience aussi. Et tu vois, je te donne un exemple concret, tu vois, c'est-à-dire que c'est la première fois où je pouvais engueuler des petits. C'est-à-dire que quand j'engueulais des petits, bah, moi, ça me faisait rire. Je pense que beaucoup d'éducateurs vont se reconnaître sur ça. Tu vois, t'es là, tu cries sur le. Enfin, tu cries. Tu sermonnes un peu le petit et tu te retournes un peu parce que lui, tu sens que ça le touche et ça, tu dis, ah, mais tu vois, t'es un peu gêné de la situation, tu vois. Et du coup, tu vois, le premier entraînement, tu vois, les deux premiers entraînements, si je me rappelle un peu, c'était compliqué, hein, parce que toi, tu te dis, bon, allez, tu vois ton entraîneur, tu te dis, bon, allez, ben moi, je suis. J'en sais trop rien, je suis un super entraîneur, ça va faire des passes, ceci, cela. Tu te rends compte, premier entraînement, les petits font pas de passes, tu vois. C'est bizarre quand même. Mais je pense qu'on a tous vécu ce moment-là, tu vois. Et du coup, j'y suis retourné, et puis depuis là, j'ai été éducateur, tu vois. Et comme quoi, si cette personne n'était jamais venue nous dire, toi, tu vas au stade. J'aurais jamais peut-être été éducateur parce qu'à un moment donné, il faut un déclencheur, tu vois. Qu'est-ce qui t'a Et fait ça a revenir été, ça a alors? été. Qu'est-ce qui m'a fait revenir? En fait, ce qui m'a fait revenir, c'est que bah, déjà, il y avait le survêt gratuit. Tu vois, tu te dis, donner un survêt en plus, c'est pas mal déjà, tu vois. T'es content? Non, tu vois, bah, après, toi, quand t'es jeune, t'es un peu bête, hein. Tu vois, quand ils te disaient, t'as un survêt, t'étais content. Du coup, ils ont attendu peut-être un mois avant de me le donner. Du coup, sur le mois, je suis venu, tu vois. Et du coup. Il y a ça, c'est un peu marrant, mais tu vois, souvent, moi, quand je m'engage dans un truc, je me dis, ben, vas-y, je le fais, en tout cas, j'essaie de le faire à fond, tu vois. Et puis après, deux, trois, quatre séances, tu commences à aimer aussi, tu vois, les petits, tu vois que. Mais je sais pas après comment je peux l'expliquer, mais c'est quelque chose qui. Tu dis, bah, c'est quelque chose qui peut me plaire, et du coup, tu vas. Et c'était une fois par semaine, c'était le samedi. Donc, tu as le temps de digérer aussi, tu vois. C'est pas comme si tu reprenais 2, 3 jours après. Là, tu D'accord. arrives, tu as une semaine pour digérer, tu repars, tu reviens. Le mec qui te dit, la semaine dernière, j'étais là, tu as dit oui, bah, tu viens, tu vois. Puis ça s'enclenche comme ça. Là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui te prend sous son aile ou non, c'est auto-découverte par soi-même, autodidacte. Bah, tu sais, à l'époque, à Drancy, on était quand même, il y a quand même pas mal d'éducateurs, tu vois, mais on avait quand même pas mal de petits. Du coup, ça dépendait des séances. Tu vois, ça dépendait des séances où des fois j'étais tout seul, des fois j'étais avec un mec. Tu vois, ça dépendait des séances, tu vois. Mais après, tu vois, au cours de l'année, tu te retrouves avec les mêmes petits, avec le même éducateur qui est à tes côtés, tu vois, où tu fais les tournois tu vois, en plus, à ce stage-là, ils avaient presque pas de tournois, mais j'ai dû en avoir un ou deux. Et du coup, tu restes plus ou moins avec les mêmes petits. Même petit, même éducateur. C'est quoi les. On va peut-être pas parler d'à 14-15 ans, mais c'est quoi la première saison où tu commences vraiment à prendre conscience que bah, ça commence à te plaire? Et c'est quoi tes premiers souvenirs? C'est-à-dire, quelles sont les premières choses que tu essayes de mettre en place, de transmettre aux jeunes, aux joueurs que tu entraînes? Après, je pense qu'il y a deux périodes. Il y a la période où t'es éducateur du club, et il y a la période où t'es éducateur du club, mais qui se forme. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une autre démarche déjà. C'est-à-dire que t'es pas juste. T'es pas juste l'éducateur qui va sur le terrain et qui passe un bon moment avec ses petits. Tu vois, quand tu commences à. Tu vois, quand. Tu vois, j'avais passé le jeune animateur technique, donc peut-être à les 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus trop. Et du coup, quand tu commences à te former et que tu as des formateurs qui t'expliquent un peu et qui te guident, déjà, ça t'aide déjà dans la conception que tu as du développement du petit, tu vois. Et après, il y a eu donc les premiers diplômes. Et il y a eu la fac aussi, tu vois, l'entrée à la fac, ça t'ouvre aussi d'autres perspectives, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu commences avec les petits et que t'as pas de formation, t'as rien du tout, t'as juste, enfin, t'as rien du tout, t'as pas rien du tout, mais t'as toi et ton expérience de joueur ou ton expérience d'humain, tu vois. Et tu t'essayes de faire avec ce que t'as, t'essayes de faire un peu ce que tu as vécu en tant que joueur, certains exercices, même si des fois ils sont. Je me rappelle même plus ce que je faisais, mais je suppose qu'ils étaient inappropriés. Mais tu vois, le fait de rentrer en formation, bah, ça t'ouvre l'esprit sur d'autres domaines de l'entraînement, tu vois. Et c'est sûr que, entre quand j'ai commencé à 15 ans, après, ça s'est vraiment déclenché vers 18 ans par là, tu vois. 3 ans après, 4 ans après, ou quand tu as fait 3 ans d'entraînement des petits, tu commences à connaître, entre guillemets, toi, même si je pense que tu connais jamais tout, et je pense que tu es toujours en perpétuelle remise en question et développement, mais tu commences à plus ou moins gérer, bah là, je pense que tu passes à une autre phase, tu vois. Ouais, est-ce que quelles sont les premières compétences que tu te souviens développer qui te font passer justement dans cette deuxième étape, dans l'étape où voilà, tu deviens un éducateur formé? Quelles sont les compétences à laquelle tu penserais, t'sais, si jamais là face à toi tu avais un éducateur qui a 15 ans, t'sais, si tu devais lui faire gagner du temps et tu devais lui transmettre un peu tout le savoir que tu as appris à ce moment-là? Quelles sont les premières choses qui te semblent essentielles à connaître et qui t'ont fait progresser? Je ne sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un mec de 16 ans qui commence à entraîner et qui me dit j'aimerais en faire mon métier ou j'aimerais pouvoir me développer dans ce domaine-là, je lui dis mais passe ton temps sur le terrain en fait. Tu vois, c'est pas une compétence en tant que telle. Encore que c'est pas tout le monde qui est capable de passer autant de passer autant d'heures, passer autant de moments sur le terrain, parce que finalement. Le fait de passer autant de temps sur un terrain, bah, c'est autant de temps d'échange, autant de temps d'action, de rétroaction qui te fait justement développer ta curiosité et développer tes habitudes aussi, tu vois. Moi, c'est la première, c'est le premier, si j'aurais un conseil à lui donner, c'est ça, tu vois. Il faut passer du temps sur le terrain. Le terrain, c'est quand même ce qui, c'est entre guillemets, c'est un peu l'évaluation. Parce que je me rappelle que quand t'as les petits, ça te trompe pas. Si les petits, s'ils prennent pas de plaisir à l'entraînement, bah tu vois. Tu vois, le petit, il est capable de dire, ah, mais non, ça, c'est nul. Et je pense que le fait d'avoir passé autant de temps avec les enfants, bah ça t'ouvre l'esprit. Alors que j'ai l'impression que beaucoup d'éducateurs, tu vois, essayent de rapidement squeezer cette étape-là, qui pour moi était une étape importante. Et à passer tout de suite sur du foot à 11 ou des fois U13, parce que c'est un peu entre les deux, tu vois. Mais je pense que cette étape-là, d'avoir passé beaucoup de temps avec les petits-enfants, bah, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et après, il y a un domaine qui est ultra important, et j'en parle un petit peu, mais c'est les relations humaines, en fait. Toi, quand je te dis, c'était la première fois que je m'occupais d'autres personnes que de moi. Mais finalement, tu le fais parce que tu aimes ça aussi, tu vois. Il y a un petit côté un peu. C'est quelque chose de très altruiste, mais qui est un peu égoïste aussi, tu vois. Parce que si je m'occupe autant des gens, c'est parce que ça me fait du bien aussi, tu vois. D'accord. Si j'entraîne les. Si je suis devenu entraîneur de foot, c'est que ça me fait du bien de pouvoir vivre des choses avec les gens et de pouvoir m'occuper, de pouvoir les aider du mieux que je peux, tu vois. Parce qu'en les aidant, ils m'aident aussi, tu vois. C'est un peu les deux choses que je pense qui sont avant les compétences techniques, tactiques, méthodologiques, ceci, cela. Je pense que ce qui est important, c'est d'aimer sur le terrain et d'aimer les gens. Je pense que c'est la priorité et j'apprends encore tous les jours de ça. Toi, c'est aimer les gens, c'est simple, mais vivre avec eux, c'est pas simple, tu vois, parce que chacun a son avis, chacun a ses idées, chacun a son tempérament, et c'est jamais bien évident, mais c'est ça qui nous enrichit, je pense. Complètement. Tu me dis le passage indispensable par les petits. Qu'est-ce que tu crois que ça t'a de passer autant de temps justement à entraîner les plus jeunes? Qu'est-ce que tu crois que ça t'a permis d'apprendre? Outre Bah le déjà, fait, ouais, outre le fait de moi ce que j'étais tu viens de encore ado. mentionner, tu sais, les relations humaines et tout ça, outre cela. Mais quand j'étais juste signaler, quand j'étais encore à Drancy, même quand j'avais un peu basculé sur le foot à 11, j'étais toujours avec les petits. Genre, ça veut dire que finalement, bah, je passais du lundi au dimanche au stade. Mais entre le moment quand c'était les U17 ou l'année où c'était les U15 ou quand c'était. J'ai toujours eu les petits. Toujours, toujours, toujours en parallèle, j'ai toujours eu deux équipes. Et en fait, les petits, ils sont vrais en fait. Toi, ils sont pas capables de se dire, bon, ce qu'ils proposent l'éducateur, c'est nul, bon, ça va durer 15 minutes, on passe à autre chose. Tu vois, alors que nous, adultes, on est capable de faire ça. De dire, bah lui. Bah ouais, ça c'est pas top, mais c'est pas grave, après ça sera mieux. Le petit, s'il aime pas, il te le dit. Ça, c'est déjà une priorité. Après, la deuxième chose, c'est d'un point de vue un peu pédagogique, didactique. C'est la première fois où tu vas essayer d'arranger les. Parce que le petit, il a des ressources, mais elles sont encore limitées, tu vois, du fait de son jeune âge, du fait de sa motricité, de son développement aussi intellectuel, et parce qu'il a peu d'expérience. Donc, du coup, t'es sans cesse obligé de t'adapter, tu vois, sur les espaces de jeu. Ah, là, cette fois-ci, c'était trop petit, là, c'était trop grand. Ah, mais lui, j'ai essayé de lui expliquer de telle façon, ça n'a pas marché, je vais essayer d'une autre façon. Et tu vois, d'un point de vue aussi pédagogique, c'est hyper formateur. C'est pas forcément la même chose qu'il y a en foot à 11, mais en tout cas, ça te permet de développer en disant, mais en fait, finalement, il faut des billes. Tu vois, quand tu arrives devant des gens, il faut des billes pour pouvoir tenter de leur expliquer quelque chose. Et c'est là où, tu vois, l'enseignement, il est hyper difficile parce que chaque joueur est différent, chaque enfant est différent. Du coup, faut réussir à s'adapter à ça, tu vois. Et c'est pas, c'est, au début, c'est quand même pas évident parce que souvent, tu as l'impression que ce que tu expliques, c'est simple. Vu que tu l'as compris, tu dis, ah ben non, mais c'est simple. Mais non, en fait, il n'y a jamais rien de simple, tu vois. C'est jamais bien simple de pouvoir expliquer d'un point de vue didactique un peu. Enfin, quand tu mets en place ta séance d'entraînement, tu te dis, ben, il faut essayer de. Plus t'avances, plus t'essaies de parer un peu à toutes les éventualités, tu vois. Complètement. Tu as parlé de pédagogie. Pour toi, Kevin, c'est quoi un bon pédagogue? C'est quoi une bonne pédagogie? Je sais que c'est une question. C'est pas une question piège, hein. C'est vraiment par curiosité. Qu'est-ce que toi tu en penses à Qu'est-ce que toi tu en penses, ouais, par rapport à ça? Après, je pense que ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans quelques mois, je dirai peut-être à quelque Bien chose, sûr, bien peut-être pas sûr. opposé, mais quelque chose un peu différent. Ouais, je Après, je partage pense, ça. tu vois, je suis pas quelqu'un de manichéen, tu vois, je suis pas quelqu'un qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Tu vois, je suis pas dans c'est pas mon optique de vie, tu vois. Il y a quelque chose qui peut être bien à un moment donné et le lendemain, ça peut être peut-être pas la bonne solution. Et du coup, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui est une bonne pédagogie ou ce qui est une mauvaise pédagogie. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, faut être sûr de ses valeurs. Là, faut pas, je pense qu'il faut pas jouer un rôle. Faut pas, alors qu'au début, on est dans l'imitation de certains coachs qu'on a eus. Et je pense que, avec l'expérience, tu crées ta façon d'entraîner aussi, tu vois. Mais, je vois pas une bonne ou mauvaise pédagogie. Il y a ce que toi tu es et aussi ce que la personne en face est. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, sans doute des joueurs, qui attendent de l'entraîneur d'être un peu plus directif, tu vois, c'est d'être un peu plus dans l'apprentissage en disant, bah pour réussir un centre, il vaut mieux faire ça. Il y en a peut-être d'autres qui sont beaucoup plus entre guillemets, dans dire bah, pour faire un centre, moi j'ai envie d'expérimenter. Et en tant que bon pédagogue, je pense qu'il faut être souple, être capable d'être souple avec les joueurs que tu as en face de toi, puisqu'ils sont chacun différents. Mais après, je pense que pour que l'apprentissage il soit réellement ancré et qu'il perdure dans le temps, il faut quand même une certaine émancipation du joueur. C'est-à-dire que à un moment donné, vois, je me rappelle quand j'étais à Drancy, tu vois, quand j'étais responsable, tu vois, des écoles de foot, tu vois, il y avait donc on avait pas mal de petits, on devait avoir, je me rappelle, 450 petits et au moins on avait, j'avais compté 39 éducateurs, donc ça faisait pas mal, tu vois. C'est énorme. Et je me rendais truc d'un compte, c'est que finalement, quand je servais plus à rien, c'était là que c'était le mieux. C'était pas par fainéantise, tu vois, mais ça veut dire que le but, c'est en tant que personne qui gère, entre guillemets, et même avec ton équipe, c'est lorsque tu es le moins présent et que ça marche, entre guillemets, que ça fonctionne et que c'est fluide, c'est là où ton boulot a été fait. Si tes joueurs, ils sont encore dépendants de toi ou ton équipe, ou n'importe, ils sont toujours dépendants de toi, je pense que c'est qu'à un moment donné, tu vois, l'apprentissage, il n'a pas été. Il est pas encore optimal, tu vois. Je pense que l'être humain, il faut qu'il soit capable d'être un peu émancipé des gens, avoir sa propre réflexion et sans avoir forcément besoin d'une personne autorité ou même, je pense, tu vois. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment, je pense qu'un bon, s'il y avait un bon pédagogue, c'est quand même un mec qui est capable d'émanciper ses joueurs, tu vois. De les rendre autonomes. Ah ben tu vois, j'étais en pleine réflexion sur ce sujet-là, autonomie, émancipation, mais après je t'ai dit, peut-être que dans 2 mois je dirais autre chose, mais tu vois, l'autonomie, elle signifie aussi le fait d'être indépendant, tu vois. Mais dans le foot et dans la vie en société, on est quand même dépendant des gens, tu vois. Parce que forcément, ce que je vais te dire là, je ne voulais pas le dire. Mais comme tu m'as posé une question, je l'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, je suis très dépendant de ce podcast qu'on est en train de faire. Il est quand même très dépendant de nos échanges, tu vois? Parce qu'on va sans cesse rebondir sur ce que l'autre a dit. Et tu vois, moi, je préfère ce mot un peu émancipation qu'autonomie, parce que j'estime que, surtout aussi dans le foot, on est quand même très dépendant de notre environnement, tu vois? Que ce soit tes partenaires, tes adversaires, ton entraîneur, le terrain. Enfin, on est réellement très indépendant, tu vois. Si tu reçois le ballon sur ton pied droit, c'est l'autre joueur qui a choisi pour toi, limite. Tu vois un peu la réflexion que j'ai Ouais, non, sur ce complètement. Moi, sujet-là? ça me lance parce que justement, là, on est en pleine. Tout ce que tu me balances, ça m'amène beaucoup de réflexion. Je coupe pas, mais ouais, non. Je suis prêt à rebondir sur plein de choses et je m'attendais. Je me dis, ah tiens, pourquoi il mentionne pas ce mot-là? Il doit y avoir une bonne raison. Donc, il doit y probablement y avoir une bonne réflexion légitime juste derrière. Donc, je m'attendais à ce qu'elle vienne, ouais. Effectivement. Mais justement, toi, comment tu réagis par rapport à, tu sais, t'as mentionné le fait qu'il y a des fois, il y a des joueurs qui exigent que l'entraîneur soit un peu comme ça, un peu plus direct, ou comment toi tu gères les joueurs qui aimeraient que tu sois un petit peu différent? J'ai pas tout compris la question. Dans les exemples que tu as cités, tu as par exemple mentionné il y a des joueurs parfois qui viennent te voir en tant qu'entraîneur, qui disent ouais, en tant qu'entraîneur, tu devrais être un peu plus direct, un peu comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu, ce que tu as dit. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est pas dans le sens là où le joueur vient forcément vers toi et te dire j'aimerais que tu sois plus direct, mais après c'est à force de vivre avec les gens, les gens ont leur spécificité. Il y a des gens qui préfèrent que tu sois un peu plus direct, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils te le disent. Toi, après, il y a peut-être des mecs qui peuvent te le dire aussi, tu vois. Enfin, ça dépend des personnalités de chacun. Mais comment je ferais? Si y a un mec qui me dit il faudrait que tu sois plus directif sur tel ou tel aspect. Bon, ça t'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont tu transmettais un message ou avec la pédagogie que tu employais et qui ont été amenés justement à te remettre en question? Et toi, comment tu t'es adapté par rapport à ça? Moi, j'ai pas forcément le souvenir directement qu'un joueur soit venu pour me dire un truc de genre. Je l'ai peut-être pas perçu aussi, des fois. Je pense que des fois, quand tu parlais d'interprétation, c'est exactement le cas. Des fois, on te dit des choses et tu n'arrives pas à le saisir. Je me rappelle pas forcément que, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup dans la, j'ai, en tout cas, je suis beaucoup, j'essaye d'être pas mal dans l'échange avec les joueurs. Et le but, c'est, tu vois, si le joueur arrive vers moi et te donne une remarque sur telle ou telle chose, je pense que c'est bon signe. Je pense que c'est vraiment bon signe qu'un joueur vienne vers toi et te dise ce qu'il pense. Du moment que ça reste quelque chose de bienveillant, tu vois. Tu vois, être dans l'échange avec le joueur, que l'échange puisse te donner ses sensations sur tel ou tel exercice, ou telle façon de penser, ou des choses comme ça, je pense que ça veut dire que justement, tu as créé tu vois, quand je parlais d'émancipation tout à l'heure, tu as créé ce petit truc, ou cette petite relation qui permet justement d'avoir une relation avec un échange assez libéré, pour justement que le groupe puisse s'en sortir un peu grandi, tu vois. C'est un peu, c'est, je pense que c'est, et plus les gens sont grands, plus ils ont d'expérience, et plus ce qu'ils disent peuvent être intéressants aussi, hein. Non, tout à fait. Je pense pas qu'il y ait que l'entraîneur ou que le manager qui a toujours les bonnes solutions, tu vois. Et d'ailleurs, moi je dis bravo, Kevin. Je m'en souviens très bien, ouais, quand tu étais responsable à Drancy, justement, on attaque un peu les grosses expériences de ton parcours. Ouais, tu as parlé, ouais, 450, 500, bah, ça, c'est des chiffres qui ne me surprennent pas. 40 éducateurs, c'est des choses qui ne me surprennent pas. C'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui a fait que justement qu'à un moment donné, le cadre que tu as pu mettre en place, aussi bien vis-à-vis des enfants, aussi bien vis-à-vis des éducateurs, aussi bien vis-à-vis des parents, qu'est-ce qui... Ouais, je sais que c'est large, je sais que tu ne t'en souviendras pas de tout, mais comment tu as fait et qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour qu'à un moment donné, tu puisses prendre un peu de recul et puis que ça puisse tourner sans que tu sois forcément omniprésent dans les séances. Bah déjà, première des choses, première rectification, c'est que j'étais pas tout seul. Parce que quand t'as autant de personnes, tu peux pas être tout seul. Je pense que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que il y avait un monsieur qui s'appelle Laurent, tu vois, qui s'appelle Laurent, qui était au club, qui était dirigeant au club depuis pas mal d'années. Et du coup, c'était aussi responsable, entre guillemets, un peu administratif d'école de foot. Et c'est lui qui nous a permis de travailler dans des bonnes conditions. Tu vois, en termes de terrain, en termes de possibilités d'avoir aussi autant d'éducateurs. Ça, c'est lui qui nous a permis ça. C'est-à-dire que c'est, moi, il m'a, entre guillemets, il m'a facilité le travail. Et la première année où je suis responsable de l'école de foot, je suis en doublette avec son fils, tu vois, qui s'appelle Benjamin, tu vois. Et du coup, j'étais pas tout seul, tu vois, cette première année-là où ce qui était mis en place avec autant de joueurs, autant d'éducateurs, nous a permis d'avoir aussi des créneaux pour se travailler dans des bonnes conditions. Parce que là, des fois, on entend le nombre, donc on pense que oh, c'est compliqué à gérer, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça parce qu'il y a les moyens qui ont été donnés par le club pour pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que si le club me dit, t'as 400 gamins, mais t'as qu'un demi-terrain et un créneau d'1 heure, c'est pas pareil que si le club me dit, t'as 400 gamins, t'as 2 terrains, t'as 3 créneaux d'1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recette, c'est juste qu'à un moment donné, c'est une symbiose du club, c'est une symbiose des mecs qui sont là, qui ont permis justement de pouvoir accueillir autant de gamins et en espérant qu'ils aient passé le meilleur moment possible et que les éducateurs aussi, tu vois. Mais tu vois, moi je pense que peut-être que ça existe, hein, que des fois ce soit l'histoire d'un mec, l'être humain il aime bien ça un peu, l'histoire d'un mec qui a permis ça, mais c'est, en tout cas pour ma part, j'y crois pas forcément, mais c'est un travail collectif. Tu vois, c'est l'éducateur qui était super avec les gamins. C'est ça qui fait que je pense que ça a plutôt bien marché. Tu vois, quand des fois je vais à Drancy encore, tu vois, j'ai l'impression qu'on qu'on est plutôt bien sorti, tu vois. Mais parce qu'on était sur un travail collectif, tu vois, il y a des mecs, tu vois, il y avait un mec comme Alain qui était responsable administratif du club, qui te permet aussi justement de faire tout ça. Tu vois, c'est pas un travail d'une personne, c'est un travail vraiment collectif. Vraiment, tu vois, c'est vraiment ça qui en ressort, tu vois. Donc là, on est. Si je refais un peu l'expérience, tu commences joueur, t'es joueur à Drancy, tu mets les pieds U14, U15, première expérience d'éducateur, puis tu continues d'entraîner, tu mets les pieds à la fac à Bobigny, c'est là notamment qu'on se rencontre durant le parcours en entraînement sportif sur l'aspect foot. Tu continues d'être éducateur chez les plus jeunes, puis tu prends une équipe en doublon sur du foot à 11. Dans une forme de continuité, tu entraînes des joueurs plus âgés, des joueurs d'un niveau probablement plus élevé, des adolescents, des préados, des adolescents. On arrive probablement, j'imagine, tu as mentionné une expérience U15, U17, c'est ça, à peu près? Ouais. D'accord. À ce moment-là, comment ça se passe? La première question, c'est est-ce que tu peux nous resituer un peu le cadre là? Notamment là, j'aime bien repartir un peu de ce qui est partagé par rapport à ce que tu as échangé avec moi, avec nous. Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte durant cette saison? Ça ressemble à quoi? Et puis justement, petit à petit, on va rentrer un peu dans le contenu de cette saison pour te découvrir un peu l'entraîneur que tu étais et puis que tu es en train de devenir. Déjà, les années FAC, je pense que tu as vécu la même chose que moi. C'est des années où, en tout cas, comment nous, ils nous ont enseigné l'entraînement sportif, tu es tout le temps déstabilisé, tu vois. Tout le temps en déséquilibre total. C'est-à-dire que ce qu'il te propose, tu te dis ouais, mais ça c'est, des fois tu te dis mais ça c'est parce qu'on m'a dit hier ou c'est pas exactement comme ça que je l'ai compris, mais ça j'étais persuadé de ça, de ci, et du coup tu vois ces années fac, c'est très très ça, pour moi en tout cas ça a été très enrichissant, tu vois, ça a permis d'ouvrir des portes aussi sur des concepts, sur pas mal de choses que avant j'avais pas eu notion de ces termes ou de ces concepts là. Et du coup, ces années fac, en parallèle, la chance que j'avais, c'est que tout était proche. C'est-à-dire que je sortais de chez moi à La Courneuve, j'allais à Bobigny, donc La Courneuve, Bobigny s'est collé. Bobigny s'est collé à Drancy, qui est collé à La Courneuve. Du coup, je passais un peu mon temps dans ce fameux triangle-là, et du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de terrain. Ouais, je te confirme, c'est un avantage, hein, parce que j'ai pas eu cet avantage là, mais Ah non, t'étais à l'opposé du département, du coup. Aïe. C'est les temps de transport que moi j'avais pas forcément. Ouais, carrément. Ça m'a quand même pas mal servi. Du coup, j'ai pu avoir plusieurs casquettes, tu vois. Après. Mais c'est pour ça que par la suite, j'ai choisi le club de Bobigny pour faire le stage, parce que j'avais plus un triangle, mais. pour moi, ça a été une chance, entre guillemets, d'avoir cette position géographique-là, tu vois. Bien joué, qu'il y avait une stratégie. Ça, c'était pas forcément fait exprès, tu vois. Ouais, Pourquoi des fois il y a une part de chance qui rentre aussi en compte. Et du coup, tu vois, moi ce que j'ai aimé sur Foot à 11 à Drancy, c'est l'échange avec les éducateurs, l'échange avec les joueurs aussi qui étaient aussi un peu plus grands, tu vois, le fait de connaître le plus haut niveau, entre guillemets, à un moment donné régional, tu vois, c'est quelque chose de très intéressant, tu vois, avec des joueurs aussi qui avait quand même quelques qualités. Donc, il y a les échanges aussi avec la fac, tu vois, c'était hyper intéressant, tu vois, et du coup, après, à entraîner, et à un moment donné, tu vois, c'était l'époque de ma troisième année de licence, là, je me suis dit, je vais faire une année en préparation physique, tu vois, je me suis lancé dans... Tu vois, quand tu étais un peu adjoint, tu faisais aussi la préparation physique, vu que j'avais certes, certains contenus que la fac me permettait d'avoir. Et après, en troisième année, je me suis dit, bah, moi, je pense que être préparateur physique, c'est quand même un bagage aussi supplémentaire dans mon parcours de formation, tu vois. Parce qu'on avait pas mal de cours aussi de préparation physique. Et moi, je pense que j'essaye d'être le plus éclectique possible, d'aller dans plusieurs domaines possibles pour justement enrichir ma valise d'entraîneur, tu vois. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la préparation physique, j'aime beaucoup la préparation mentale, j'aime beaucoup tout ce qui est relations humaines, la technique, la tactique, tu vois. C'est des choses que j'aime beaucoup et j'aime toucher un peu à tout, tu vois. Et du coup, la fac m'a permis ça et la chance que j'ai eue, c'est que très rapidement, que tu vois, le fait que j'ai pu entraîner les jeunes avant, ben, finalement, j'ai pu aussi aller aussi sur du foot à 11 à l'entrée à la fac. Peut-être, tu vois, 6 mois près, ou un an, je me rappelle, mais quand j'étais à la fac, j'étais déjà sur du foot à 11. Ce qui fait que finalement, j'ai, tu vois, alors qu'il y a certains qui ont eu un profil où, grosso modo, l'entrée à la fac les a fait un peu entraîner, tu vois ce que je veux dire? Ouais, coup, ouais. Ce qui fait qu'ils ont commencé par les petits, et tu vois, quand t'arrives après en licence 3, bah, t'as naturellement moins d'expérience et t'as vécu moins de choses sur le terrain que quelqu'un qui a commencé un peu avant, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très complémentaire, parce que tu vois, mais c'était vraiment pas prévu, hein, tout ce qui m'arrive là, c'était vraiment, tu vois, quand j'expliquais tout à l'heure comment j'ai entraîné ma première séance, bah, tu te rends compte que finalement c'est plein d'actions isolées qui, quand tu les relis entre elles, tu te dis, ah, mais finalement, c'est si je l'avais pensé comme ça, c'était pas mal quand même. Non, je suis d'accord avec toi, hein. Moi un peu pareil que toi, je crois qu'au moment où j'arrive à la fac, ça fait déjà 3 ou 4 ans que j'entraîne déjà. Et effectivement, la fac vient justement mettre des conflits dans tout ça, et comme tu le dis, au quotidien, créer des distorsions, créer des contradictions, et qui finalement tu passes plus de temps à te remettre toi en question, et c'est pas plus mal. Et effectivement, quand t'arrives en licence 3, ben, en troisième année, c'est le bon moment de commencer à mettre les pieds sur du foot, une autre forme de foot, et t'as un bagage surtout humain et de terrain, des heures de terrain qui te permettent d'aborder une expérience un peu différemment. Bah, tu sais, quand j'étais en équipe 15, c'était pour un rôle de préparation physique. D'accord. Après, tu vois, pour être honnête, avec la chance que j'ai eue, moi, à Drancy, c'est que j'ai eu, même à Drancy, ou même maintenant, hein, tu vois, ça, c'est vraiment un truc en y repensant, c'est quelque chose de très bien pour moi, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes autour de moi. Tu vois, j'ai jamais eu l'impression que tu vois, j'ai toujours eu des gens qui me donnaient de bons conseils, entre guillemets, tu vois, qui étaient vraiment tu vois, j'ai pas forcément d'exemple particulier, mais j'ai toujours senti que les gens autour de moi, ils me voulaient du bien, entre guillemets, et c'est ça qui m'a permis, justement, même à Drancy, j'ai eu nombreux, hein, beaucoup de gens dans le club, hein, aussi bien en tant que joueur que d'éducateur, que de dirigeant, que de bénévole. Franchement, j'ai passé des années mais super à Drancy, hein. Franchement, c'était vraiment quelque chose de, enfin, c'est un, même en tant que joueur, en tant qu'éducateur, j'ai passé de très bons moments là-bas, du fait que les gens là-bas soient et étaient bienveillants avec moi. Mais tu vois, les années à la fac, je dis pas qu'elles ont été difficiles, mais elles ont pas été faciles. Parce que franchement, je sais pas si toi ça a été le cas, mais tu sors pas la tête de l'eau. Ok, c'est complètement. Que, ouais. Mais après, ça te forge en tant qu'éducateur. Je me rappelle plus c'était quelle année, mais une année où je suis du lundi au dimanche au foot. Ouais. C'est-à-dire que t'arrivais, t'avais cours le lundi, entraînement, cours mardi, entraînement. Le mercredi, ils nous avaient libéré l'après-midi pour nos stages, il me semble. Donc j'avais cours le mercredi matin et le mercredi après-midi, j'avais 2-3 entraînements. Jeudi, entraînement, vendredi, entraînement. Samedi, t'avais match avec les U9, école de foot tout le samedi après-midi. Et dimanche, j'avais match avec les 17. Du coup, tu vois, franchement, tu n'as pas le temps de dire est-ce que je passe un bon moment ou est-ce que je passe un mauvais moment, etc. Tu vois. Et quand je te dis les gens étaient bienveillants avec moi, c'est que finalement, l'année, elle se passe plutôt bien. Mais l'année fac, franchement, tu sors pas la tête de l'eau. Enfin, moi, pour ma part, Oui, non, hein. je partage complètement cet avis. Ouais. Je sais pas si je sais pas si les autres personnes, si les autres personnes qui ont construit sur cela, pareil, mais je m'étais engagé sur plusieurs équipes. N'empêche, à l'école, faut quand même avoir des notes, faut quand même valider ces matières, sinon tu peux pas continuer à avancer, tu vois. Et du coup, t'es là, mais j'ai passé des super moments. Là, ça a l'air un peu négatif, mais j'étais pas dépressif, j'étais super heureux, j'étais content d'être sur le terrain, j'étais content d'être à la fac. Toi, j'étais plutôt très à l'aise. Mais en y repensant maintenant, tu dis, mais ah ouais, ces années-là, tu vois, c'est des années où en plus, tu dois avoir 18 ans, 19 ans, tu commences aussi à t'inquiéter sur la suite de qu'est-ce que tu vas faire d'après tes études, tu vois? Est-ce que la licence suffit? Est-ce que tu vas au master? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais pas avoir de travail? Tu as rencontré ma femme déjà, mais tu vois, c'est plein de trucs qui font que dans ta vie là, c'est super enrichissant, en fait. Tu vois, le fait d'être dans l'environnement, il m'a été très stimulant, tu vois, et c'est ça qui me permet aujourd'hui, je pense, de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Mais pour moi, c'était des années où t'es quand même, tu vois, comme je dis, tu sors pas trop la tête de l'eau, et tu fonces un peu la tête baissée, et du fait de ton expérience aussi, tu y vas à fond, Je partage, voilà, quoi, je partage complètement, je partage complètement ton point de vue et effectivement, moi j'en garde énormément de bons souvenirs d'être constamment stimulé, que ce soit avec d'autres entraîneurs, que ce soit avec d'autres disciplines, que ce soit avec d'autres disciplines sportives, mais aussi d'autres disciplines aussi bien scientifiques que disciplines, enfin le côté multidisciplinaire de la formation. Mais dis-moi un peu, il est comment cet entraîneur déjà, comment dire, je dis bravo pour encore une nouvelle fois reconnaître, reconnaître la bienveillance des personnes qui t'entourent. Mais en pensant à toi, je pense à bienveillance. Et peut-être que c'est un juste retour des choses, mais encore une fois, ces propos n'engagent que moi. Mais néanmoins, à travers ces rencontres, si on parle un peu plus spécifiquement de l'entraîneur, il est comment l'entraîneur Kevin à Drancy? Enfin, t'es comment? Ça se passe comment? Qu'est-ce que tu essayes de transmettre aux joueurs à ce niveau-là? T'encadres, tu entraînes, tu encadres quand même des joueurs d'un certain niveau. Il est comment l'entraîneur? Qu'est-ce que tu essayes de transmettre? Qu'est-ce que tu essayes de mettre en place avec eux? En fait, tu vois, je vais être honnête avec toi, tu vois, même si j'essaie de réfléchir un peu sur ma pratique, j'ai pas mal de difficultés à répondre à cette question, parce que j'ai l'impression aujourd'hui, là, je pense que je suis un peu plus cadré dans ma tête. J'ai plus d'idées, mais j'arrive à un peu mieux les orienter. Alors qu'à l'époque, quand tu vois, t'apprends de nouvelles choses, ou même quand tu vas dans une. Je vais te prendre un exemple. Tu vas dans tes premières formations fédérales, donc avec le corps de séance qui est prévu, et bah tu vas dans ton club, c'est ce que tu mets en place, tu vois. Et du coup, à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, j'essayais de le mettre en place. Tu vois, pour justement dire, ouais, est-ce que ça marche de telle façon, ceci, cela. Et du coup, j'étais plutôt un éducateur, je pense, sur le présent, tu vois. C'est-à-dire que j'apprenais quelque chose, je le mettais en place, tu vois, sans forcément, tu vois, d'avoir une réflexion qui était très très très très profonde. Et des fois, peut-être qu'entre les situations d'entraînement, il n'y avait pas forcément de lien, entre les séances, il n'y avait pas forcément de lien, tu vois. Et du coup, je pense que j'étais ce type d'entraîneur-là qui justement, je pense que j'avais une certaine réflexion, mais elle n'était pas encore assez cadrée, tu vois, elle n'était pas assez organisée, ordonnée, tu vois. Et du coup, ça m'a permis aussi d'essayer beaucoup de choses, tu vois. Le fait d'avoir un peu ce truc-là, bah, ça m'a permis justement de faire plein de choses, tu vois, dans plusieurs. C'est-à-dire que je te prends un exemple sur la préparation physique. Par exemple, j'ai aussi bien fait des choses qui étaient dissociées, tu vois, analytiques, que des choses qui étaient intégrées, tu vois, c'est. On avait appris différents tests, du coup j'ai pu passer plusieurs tests. Tu vois, c'était plutôt cette démarche-là, tu vois, à cette époque-là, c'était, j'avais pas encore digéré tout ce qu'on m'avait donné, tu vois. Bien sûr. Tu vois, je sais pas si toi c'était un peu préparé, mais tu vois, moi, Complètement, ces années formation-là, complètement. c'est vraiment, j'ai pas dit, voilà, je pense que c'est vraiment le mot, c'est, j'ai, tu vois, j'avais pas digéré tout ce qu'on me donnait encore, tu vois. Et je pense que dans tous les cas, tu prends du temps à tout digérer. Non, complètement, je partage complètement cette position aussi dans la notion. Je me souviens d'avoir eu des réflexions du style pour moi, le terrain est un lieu d'expérimentation où j'essaye des choses et puis on voit un peu ce qui se passe. Et puis, en fonction peut-être que en fonction du retour des joueurs, en fonction peut-être que des fois c'était juste pas adapté au public-là, peut-être pas à cet âge-là, peut-être pas sous cette forme-là, peut-être pas dans ce club-là. Après, mais il y a des choses à garder, des choses à moins garder. Peut-être que c'était juste mal présenté, mais ouais, non, je me souviens clairement de mentionner le fait que voilà, c'est un terrain d'expérimentation, puis on propose des choses, et puis avec le plus Ouais, c'est ça. d'humilité possible, on se remet en question, puis Et c'est là de. où, tu vois, je t'ai dit, tu vois, la bienveillance des gens autour de toi. Quand j'étais avec le staff U17, donc il y avait quatre équipes en U17. On était beaucoup dans l'échange, etc. Du coup, c'est là où, tu vois, ils avaient plus d'expérience que moi. C'est là où, tu vois, ils t'aident. Tu vois, ils te disent, bah ça oui, ça c'est bien, que ça te. Ah, ça, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, tu vois, ce staff U17, ou quand j'étais avec 15, pareil avec le coach avec qui j'étais, ou le directeur technique, ou, tu vois, à un moment donné, c'est là où, quand je te parle de bienveillance, c'est aussi dans ça, tu vois. C'est-à-dire que malgré mon jeune âge, ils ont pas hésité à vouloir travailler avec moi aussi, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une très, très, très bonne chose, tu vois. C'est-à-dire que ça prouve les gens qui sont, en fait, tu vois, c'est une très bonne chose. Et par C'est ça rapport qui m'a permis à justement de digérer un peu. ouais, tu mentionnes le public U17, on est à Drancy. On est quand même donc en Drancy, en région parisienne, banlieue parisienne, Seine-Saint-Denis. On est dans quasiment ce qui se fait de mieux en région parisienne à peu près, en termes d'organisation, en termes de qualité de joueurs, en termes de qualité d'organisation de club, parmi probablement les cinq meilleurs niveaux de compétition. C'est quoi les petits secrets qu'il faut avoir pour être un, tu sais, pour être entraîneur à ce niveau-là, dans cette structure-là, et pour bien entraîner ces joueurs qui ont quand même un certain niveau. Tu sais, c'est quand même, ce sont de très bons joueurs de foot à ce niveau-là. Bah, je sais pas s'il y a un petit secret. Après, je pense que, tu vois, quand tu arrives à cela, parce que j'ai entraîné, donc moi j'ai joué jusqu'en U17, donc à Drancy. Après, je me suis cassé la jambe, mais ça reste une anecdote parmi tant d'autres. Et du coup, moi, quand j'ai commencé avec ces joueurs-là, bah, j'étais pas plus, beaucoup plus âgé qu'eux, et je l'avais vécu il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, tu vois. Que je l'avais vécu peut-être il y a 4 ans ou 5 ans avant. Du coup, bah, j'essayais de dire, bah, moi, mon groupe, comment il fonctionnait quand j'étais joueur, voilà ce qu'on aimait un peu, tu vois. Et ce qu'on aimait, c'était. Ce qu'aiment ces joueurs-là, au-delà du foot, c'est de passer un bon moment. Tu vois, ils ont deux objectifs, je pense. Il y a beaucoup de joueurs, tu vois, arrivant en U17 à Drancy, ils ont envie de passer un bon moment entre potes, et ils ont envie de progresser pour trouver un contrat ou pas contrat dans un club pro, tu vois. C'est un peu ce qui les motive. Et du coup, le but d'un éducateur, je pense, dans un club comme Drancy, c'est aussi que le joueur puisse passer un bon moment, parce que leur vie, elle est pas forcément simple, parce qu'à un moment donné, tu sors de l'école à 17h30 ou 17h, tu prends un bus, tu prends l'RER, tu cours pour aller à ton entraînement, des fois, le terrain, il est peut-être à une demi-heure ou une heure de chez toi, t'arrives chez toi à 21h30, 22h. Toi, c'est une vie qui est pas forcément simple, tu vois. Et du coup, je pense que priorité, c'est qu'il passe un bon moment, mais à un moment donné, tu fais quand même du foot. Et le joueur, faut qu'il progresse, tu vois. Et le joueur faut qu'il sente progresser aussi et que tu lui proposes un contenu de qualité. Et c'est ça qui les motive, je pense. Le joueur, il a envie de passer des moments. Moi, je me rappelle quand j'étais joueur à cette époque-là, j'ai passé des super moments, mais dans le vestiaire, tu vois. En chantant, en dansant, etc., tu vois. En faisant des blagues, tu vois. Dans ces clubs-là, c'est, tu vois, la vanne est très présente, tu vois. Et c'est des choses qu'on aime bien, et du coup je pense que c'est ça les deux objectifs, qui passent un bon moment mais aussi et surtout qui progresse en tant que footballeur, tu vois. Moi, je partage complètement ce point de vue, et du coup, comme clairement on va pas se mentir, c'est quand même des joueurs d'un très très bon niveau. C'est pas à toi que je vais apprendre que la région parisienne est un nid de bons joueurs. Comment, dans le cadre de Drancy, comment on fait progresser les joueurs? Comment on continue de les faire progresser? Bah déjà, je pense que après tout se joue sur le terrain de foot, hein, avec tout ce que tu as proposé comme situation d'entraînement, le cadre que tu as lui proposé, une certaine rigueur aussi d'entraînement, tu vois, d'horaire, malgré tout, que des fois c'est pas évident en termes de transport, en termes d'horaire, en termes tu vois, déjà dans la rigueur qui est personnelle, tu vois, c'est là le premier boulot, je pense c'est la base, créer une certaine rigueur individuelle et créer une certaine rigueur collective qui va te permettre justement d'incorporer après toutes tes choses un peu techniques et tactiques, tu vois. Mais ce qui va être important dans ça, c'est voilà, créer une certaine comme on le dit souvent, tu vois, un projet de vie. Un projet de vie dans ton groupe qui va justement te permettre de par-dessus pouvoir travailler tout. Après, c'est des choses qui sont basiques, que ce soit dans un club de région parisienne ou autre, hein, tout ce qui est tes principes de jeu, ton modèle de jeu, ton projet d'entraînement, tu vois, c'est des choses après qui sont aussi qui sont très très personnelles pour les éducateurs, tu vois. Mais je pense qu'il y a une certaine base qui est le projet de vie à créer, pour justement qu'on puisse avoir un contexte et un cadre d'apprentissage qui est propice au développement du joueur. Mmh. Comment Ouais, et... Je sais pas si j'arrive à répondre à ta question, je sais pas si... Ouais, non, comme je te dis, hein, moi je lance les questions, puis on voit ce qui se passe, et puis et j'ai pas d'attente particulière, hein, honnêtement. Mais j'essaie vraiment d'en mettre dans le contexte. Je trouve que c'est pas évident. Je trouve que c'est pas évident parce que les joueurs maintenant ont beaucoup, tu sais, d'étoiles dans les yeux. Moi, j'ai pas entraîné des joueurs de ce niveau-là. Je pense pas. J'ai entraîné des bons joueurs, mais au Canada, dans un contexte particulièrement différent. En région parisienne, j'ai entraîné dans d'autres structures, à d'autres niveaux. Et je trouve que c'est pas évident. Enfin, j'imagine que ça doit pas être évident, parce que je pense qu'en arrivant à Drancy, ils sont pas loin de leur objectif, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Et je me demande, tu sais, ils vont pas tous toucher le contrat. Ils vont pas tous forcément trouver leur objectif. Même si il y a de fortes chances en étant à Drancy que ça arrive. Il y a quand même probablement plus de chances que ça arrive qu'ailleurs. Que ce soit en U17, que ce soit en U19 ou même peut-être après. Qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur qui va peut-être arriver à justement à se rapprocher d'une structure professionnelle ou pas? Toi, tu, par rapport à ton expérience, elle se situe où, cette différence? Bah, franchement, je saurais pas trop te répondre la différence, parce que des fois, après, ça dépend tellement de choses, des fois. Ça dépend du moment, ça dépend de la régularité que tu vas faire sur tes matchs, tu vois. Mais je pense pas qu'il y ait un indicateur, tu vois, ou deux. très fiable pour dire lui c'est sûr qu'il peut aller en club pro ou l'autre, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a pas d'indicateur fiable, il y a des indicateurs qui eux sont fiables pour être sûr que tu n'y ailles pas, entre guillemets. Dis-moi, vas-y. Des choses très très simples, tu vois, si t'es un mauvais coéquipier, tu vois, c'est, vas-y, moi, n'hésite pas à rentrer dans les détails, Kevin, ça m'intéresse. Mauvais coéquipier, c'est surtout dans des attitudes qui peuvent être négatives, tu vois. C'est-à-dire que un mauvais coéquipier, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec les autres, tu vois, qui joue peut-être que pour lui, qui a à un moment donné, lorsque quelque chose ne lui convient pas, l'exprime de manière véhémente et très négative, tu vois. Ça, c'est des choses qui, tu vois, c'est trucs bateau, tu vois. Et un joueur qui joue tout seul, il sait pas forcément un aspect cognitif ou mental. Des fois, c'est peut-être aussi un aspect, c'est peut-être un aspect cognitif et mental, mais c'est peut-être un aspect aussi, peut-être technique aussi. Peut-être que le mec, technique avec les autres, entre guillemets, la tactique, tu vois, il voit pas le jeu, tu vois, il voit pas ce qu'il y a à faire aussi, tu vois. C'est des choses, tu vois, je pense qu'il y a des trucs qui sont rédhibitoires, tu vois. Un mec qui joue pas avec les... Et quand je te parle de ça, je te parle de joueurs qui jouent bien. Mais c'est extrêmement intéressant, pas... Kevin, hein, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Je te parle pas de joueurs qui savent pas faire une passe ou des choses comme ça, je te parle de bons joueurs qui eux vont être évalués aussi sur des attitudes et sur de la régularité. C'est-à-dire que on a tous connu des joueurs qui peuvent être très très très très très très bons, mais qui sont pas très très très très bons de manière régulière, tu vois. Mmh, bien sûr. Et ça, je pense que c'est ça qui c'est des choses, tu vois, avoir des bonnes attitudes forcément vont t'aider pour compléter justement tes aspects techniques qui peuvent être bons, tes aspects tactiques qui peuvent être bons. Mais tu vois, il y a des choses qui il y a pas je pense qu'il y a pas d'indicateur précis pour dire toi c'est sûr que tu iras. Mmh. Enfin, moi je n'en connais pas. Et par contre, il y a des facteurs qui sont rédhibitoires, tu vois, je pense. Mmh. Il n'y a aucune structure qui souhaite avoir un boulet dans son groupe. Non, je comprends. Enfin, mais dans tout domaine, hein, pas que le foot. Hein. Oui, non, je comprends. Dis-moi, comment... Je ne sais pas trop comment poser la question, mais déjà... Est-ce que lorsque tu es un groupe U17, par exemple, à Drancy, est-ce que tous les joueurs veulent avoir un contrat? J'ose imaginer que oui. Comment toi, tu faisais pour accompagner justement ces joueurs qui touchaient pas justement ce contrat et qui, tu sais, peut-être à côté ne mettaient pas, tu sais, peut-être que professionnellement à côté, ils mettaient pas tout en place pour... ils étaient pas prêts. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de contrat professionnel en club, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de plan B. Comment tu fais pour gérer ça en tant qu'éducateur? Tu sais, pas en tant qu'entraîneur de foot, en tant qu'éducateur. Mais après, tu vois, moi, et quand tu dis éducateur ou entraîneur de foot, moi, pour moi, c'est entre guillemets pareil. On fait la distinction, mais je pense que tu vois, même l'entraîneur, il doit avoir ces idées-là. Tu vois, l'entraîneur, c'est pas que le terrain de foot, hein. c'est pas que dans le rectangle vert et la technique et la tactique et courir vite et courir beaucoup et sauter haut, tu vois. C'est un tout. Être entraîneur, c'est aussi gérer cet aspect mental-là, tu vois. Et après, j'aurais du mal à te répondre parce que déjà, je me rappelle pas comment j'étais en termes, tu vois. Et puis, tu vois, quand, sur les années U17, j'avais pas forcément, entre guillemets, une casquette... de décideur comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire que j'étais encore un jeune éducateur, ça veut dire qu'il y avait du monde autour de moi, tu vois, sur des gestions comme ça. J'ai pas eu de cas de mec, tu vois, par exemple, quand j'avais les 17, j'avais pas les 17A. Mmh. Tu vois, j'avais une équipe 17, mais c'était les U16, tu vois, c'était des U16 qui jouaient. Donc, j'ai pas forcément eu à gérer des cas comme ça à cette époque-là, tu vois, des cas de mecs, des cas de frustration. Mais tu vois, t'as le cas de la frustration du mec qui signe pas en club pro, mais t'as la frustration du joueur qui joue pas le week-end aussi, tu vois. C'est bien sûr. En fait, il y a pas de Quand je te dis, on parle de, il n'y a pas de hiérarchie, il y a pas de la hiérarchie du mec qui signe pas en club pro, elle n'est pas moins importante que, elle est pas plus importante que le joueur qui est pas content de ne pas jouer à son poste ou pas jouer le week-end, tu vois. Parce que chacun le ressent de manière très individuelle, ça, la frustration. Toi, des fois, c'est comme tout, des fois, y a quelqu'un qui est très triste et elle t'explique pourquoi, tu dis, mais c'est pas grave. Mais finalement, pour elle, c'est peut-être très grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pourrais pas t'expliquer à cette période-là, comment je pourrais. Je me rappelle même plus trop, déjà, parce que ça fait quelques années et plein de choses se sont passées. Mais j'avais pas trop accès à des joueurs, tu vois, je sais même pas si je me posais la question d'ailleurs, sur si les joueurs qui signaient pas. Non, je te demande ça parce que le nom que j'ai donné à ce podcast, c'est Footballagogie. Je sais plus, je pense pas que je t'ai demandé si ça pouvait faire écho chez toi. Chez moi, c'est pour associer le football à la pédagogie, à l'éducation. Et en gros, c'est éventuellement bah, de. T'sais, à travers le football, ben, c'est ça, s'éduquer un peu sur la vie, s'éduquer un peu sur différentes choses. Et parfois, bah, j'ai été frustré en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, même si j'associe bien les deux casquettes. Je pense qu'un entraîneur doit être un bon éducateur avant tout, et en même temps, pardon. Mais j'ai parfois été frustré quand il m'est arrivé, durant certaines expériences, notamment en France, région parisienne, de constater qu'il y avait des jeunes joueurs qui bah, finalement ne savaient plus trop les valeurs de base que nous avons connues. Je ne veux pas me faire passer pour vieux ou pour plus ancien ou pour faire prétendre qu'il y avait différentes valeurs, mais que parfois l'objectif, il n'était qu'un ascenseur social, tu vois, pour l'enfant. Et que ce n'était plus qu'une question de jouer au foot ou juste le plaisir. Je suis content que tu me rappelles le fait que bah, il y avait deux objectifs à Drancy, que c'était de progresser, c'était d'essayer de jouer à un meilleur niveau, d'essayer d'aller jouer, d'aller pourquoi pas d'aller toucher ce qui se fait de mieux, mais aussi de passer un bon moment humain. Ça, je suis content que tu l'aies mentionné parce que c'est vraiment extrêmement important pour moi de le savoir. Et de me le rappeler aussi, et de savoir que les joueurs, c'était aussi l'objectif. Mais parfois, j'ai eu des mauvais échanges ou des mauvais moments où je me suis dit, ah, c'est dommage, j'ai l'impression que le joueur, tu vois, les idées, vraiment la structure de base, ses motivations de base, je suis pas sûr qu'elles soient forcément bonnes. Mais après, c'est pas à moi de juger ou pas, tu vois. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Après, tu vois, comme tu as dit, après chacun ses motivations. Exact, Vois, tout à fait. Il n'y en a pas meilleur que d'autres. Ouais. chacun puise en lui ses motivations. Du moment que ça lui permet de se mettre en mouvement et de Exactement. faire le bon, ça, entre guillemets, ça me dérange pas. Après, peut-être qu'il y a des motivations qui seront peut-être un peu plus long terme. Mais après, ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, toi, le foot, ça fait rêver beaucoup de gens. C'est quelque chose que c'est notre passion. Ça nous fait rêver parce que déjà c'est notre passion. Et puis c'est quelque chose de très valorisant, tu vois, toi, quelqu'un qui signe un club pro, qui devient footballeur pro, c'est quand même, comme tu as dit, c'est un ascenseur social qui est important, tu vois, même dans des villes comme on vient, c'est toujours valorisant d'avoir des gens qui réussissent, même à travers le football, et surtout à travers le football, parce que c'est souvent, par ce biais-là que. Et c'est, on est, entre guillemets, on réussit. Quand je dis entre guillemets, quand je dis on réussit entre guillemets, c'est vraiment dire, c'est pas dire que tu signes pro, que tu es pro, que ceci, que tu as réussi. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est chacun hein, trouve en lui sa réussite. Il y en a, c'est fonder leur famille, il y en a, c'est d'autres choses, tu vois. Mais je pense que c'est une question qui est très importante. Mais après, la réponse, elle est multiple. Et puis elle est totalement individuelle. Tu vois, comment faire passer le message à un joueur que ce qui est le plus important, c'est les valeurs humaines qu'on essaie de transmettre. Je pense que c'est un travail au quotidien et c'est un travail qui d'année en année, en fait. Et tu vois, et dans les clubs, tu vois, dans les clubs amateurs, tu vois, même le club pro, hein, tu vois, le lien avec l'école, le lien avec les parents, le lien avec l'entourage de ce joueur. Et c'est hyper important, tu vois, faire passer les bons messages pour que le jeune qu'on a devienne un adulte, un bon adulte, en fait. Mmh. Mais c'est pas évident parce que, tu vois, c'est, il y a beaucoup de, c'est, il y a des fois, il y a un choc, des fois, il y a des chocs culturels, des chocs générationnels, il y a plusieurs chocs, tu vois, et avec les gens. Tu vois, nous, nous, on pourra discuter des heures et des heures, il y a des choses, peut-être qu'on pourra pas se mettre d'accord. Mmh. Et pour autant, pour autant, ce que tu dis, c'est peut-être, c'était peut-être bien, tu vois, mais tu vois, c'est ça qu'il faut essayer d'appréhender avec, avec les jeunes, tu vois. Non, non, je suis d'accord. C'est après, aussi, à un moment donné, le jeune, il a ses, le jeune, plus il grandit, plus il a ses idées aussi, tu vois. Tout à fait. Et après, on évolue, hein. Moi, je sais que ce que je pensais des fois à 10 ans, c'est, j'évolue pas mal parce que j'ai vécu d'autres choses aussi. Je suis tout à fait d'accord. Le seul ennui que, qui m'ennuie, enfin le seul, enfin non pas le seul, mais il y a notamment une chose qui m'embête, c'est l'envers du décor que tu sois, tu dois bien connaître et que j'ai côtoyé de plus ou moins loin, notamment la précarité liée au football. Il y a une énorme précarité chez les joueurs, elle est énorme, pardon. Elle est pas visible cette précarité. C'est un revers de médaille qu'un joueur prend conscience bien plus tard, que les jeunes n'ont pas forcément conscience, qu'il n'est pas forcément évident d'exposer aux jeunes. Est-ce qu'on a envie? Probablement non. Est-ce que j'ai eu envie? Probablement non. Est-ce qu'on a envie de couper l'herbe sous le pied à un jeune? Non plus. À un éducateur? Non plus. Il y a une énorme précarité au niveau chez les entraîneurs. Tu pourras probablement mieux en parler que moi ou parce que tu es encore dedans depuis quelques depuis parce que tu es encore dedans et moi je n'y suis plus depuis 4 ans en France. C'est pour ça que je dis ça. On le constate aussi actuellement par rapport au virus qui est actuellement, on le voit la précarité. Il y a énormément d'entraîneurs qui ont fait des entraîneurs éducateurs qui ont fait une ambition de carrière ou plus ou moins légitime ou pas et moi j'ai aucune critique au jugement dessus parce que j'ai vécu cette précarité. Et on le voit dans un moment où tu vois c'est un peu plus compliqué, ben c'est plus compliqué pour les clubs, c'est plus compliqué pour les éducateurs. Et je est-ce que je t'ai perdu ou tu vois un peu à quoi je fais référence? Non non mais je vois et tu vois c'est tu vois je me rappelle quand j'étais enfant, tu connais aussi ça, tu vois, t'avais des éducateurs, tous les trimestres ils demandaient ton bulletin. Bien sûr. Quand ils arrivaient, ils demandaient ton bulletin, et si tu avais des mauvaises notes ou des mauvaises appréciations, tu pouvais être sanctionné, tu pouvais être dans l'Irlandais, tu vois. Et je pense que, tu vois, pour un joueur comme un joueur bah, qui vient de la Courneuve un peu comme moi, tu vois, le fait d'avoir de plusieurs projets, c'est ça qui enrichit un peu les choses, tu vois. Moi, je suis un peu resté dans le monde du foot, mais tu vois, le fait de. Après, quand je te dis être bon à l'école, c'est pas forcément avoir des bonnes notes, mais tu vois, dans ton adolescence, dans ton enfance, c'est quand même l'une des choses les plus importantes que tu as dans ta vie, c'est quand même l'école, tu vois. Et l'école t'apprend au-delà des savoirs, des notes, ceci, enfin des savoirs, il y a divers savoirs que l'école t'apprend, tu vois, le savoir-vivre, le savoir brut aussi, tu vois, des matières. Mais tu vois, le fait d'avoir des si quand t'as des jeunes, tu vois, le but c'est qu'ils aient aussi divers projets et plusieurs cordes à leur arc, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, le jour où j'aurai un enfant, le jour où il me dit j'ai envie d'être, je sais pas, acteur de cinéma, je lui dis vas-y mon fils, vas-y avec ou ma fille, hein, vas-y, mais par contre tu mets pas tous tes œufs dans le même bateau, tu vois, parce que c'est quand même important d'avoir des rêves, tu vois. Et de dire bien sûr. Je veux faire ci, je veux faire ça. Après, faut garder une certaine objectivité, une certaine hauteur en disant que ça peut échouer aussi. Et le fait d'avoir aussi d'autres composantes, ça c'est pas gênant. Tu vois, là, je me retrouve aujourd'hui. Tu vois, j'aime le foot, j'ai joué un peu au foot et je me suis retrouvé à entraîner. Et tu vois, et finalement, même si je suis pas joueur de football professionnel, bah je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et si j'avais été entraîneur encore à Drancy, j'aurais pris beaucoup de plaisir parce que ça reste, tu vois, ma passion, tu vois. Et le fait de dire aux jeunes, bah t'as ton projet, c'est bien, il faut y croire à ton projet, mais fais attention, tu il faut avoir, d'autres possibilités aussi, tu vois, il faut s'ouvrir au monde. Tu vois, faut être capable de, tu vois, la dernière fois, je parlais à un pote à moi, tu vois, et aujourd'hui, il fait quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'il avait prévu. Et il, pour autant, il kiffe. Mm-hmm. Et, tu vois, il s'est mis à, une nouvelle passion, et le mec, il kiffe sa nouvelle passion, tu vois. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est en s'ouvrant, en tentant des choses, et des fois, c'est ça qui peut manquer à nos jeunes, tu vois. À nos jeunes, et, tu vois, parce que je dis ça, parce que j'étais dans cet environnement-là, tu vois, ça, je pense que il faut encore un peu plus s'ouvrir sur les différentes composantes de la vie, et c'est ça qui fait que tu puisses bien vivre, entre guillemets. Bien sûr. Et dis-moi, pour continuer un peu par rapport à ce qu'on disait, comment tu expliques, toi, que, après, tu peux me reprendre, hein, si jamais tu considères que je dis des bêtises, ou tu pourras peut-être reformuler la question ou pas, ou peut-être repréciser, mais comment tu expliques que la région parisienne soit un nid, une niche à autant de bons joueurs de foot en Europe? Bah, franchement, je ne pourrais pas te répondre, je ne sais pas trop, mais je pense que bah déjà, tu as beaucoup de gens. Mmh. En termes de densité de population, t'as énormément de monde. T'as des profils assez différents de joueurs. Tu vois, du coup, c'est ça qui te permet d'avoir un territoire assez riche, tu vois. Et je pense que c'est surtout ça, tu vois. Et puis, tu vois, le fait d'avoir des gens différents, le fait d'avoir surtout des gens qui jouent beaucoup au foot. Tu vois, on a tous joué au foot. Tu vois, chez nous, je vois pas qui n'a jamais touché un ballon. Mmh. Il y a pas un endroit où il y a pas un stade. Il y a pas un endroit où il y a pas un city stade. Tu vois, en tout cas, moi, je connais un peu, en Seine-Saint-Denis, toutes les communes ont un ou deux stades, tu vois. Je te compte même pas le nombre de city stades qu'il y a. Donc, à un moment donné, je pense que c'est ça qui permet ça. Et puis, un ballon, ça coûte pas bien cher. Et du coup, tu te retrouves à jouer au foot, tu vois. J'ai pas forcément d'idée sur ça, mais je pense que le fait qu'il y ait du monde, le fait qu'il y ait différents profils, forcément, ça te fait une bonne mayonnaise pour avoir des bons joueurs, en fait. Ouais, je te dis ça parce que il y a probablement pas de réponse parfaite. Moi, je pose ça comme ça juste pour avoir ton avis, puisque ça m'intéresse. J'ai quand même été agréablement pas surpris, parce que j'en avais conscience. Mais j'ai constaté avec plaisir de voir, comme beaucoup probablement d'entraîneurs, notamment de la région parisienne, de voir que, tu sais, on arrive à faire un 11 presque de joueurs qui jouent en Europe, ou un 11 de Ligue 1, ou un 11 de joueurs qui jouent en Europe, d'une qualité assez élevée, de joueurs qui viennent uniquement de région parisienne. Ouais, moi, je pense qu'il y a des, c'est ça, des différents profils. Après, tu te rends compte que l'équipe de France, déjà, est championne du monde, mais tu te rends compte que même la France a des très bons joueurs de partout. Hein. Mm-hmm. Franchement, des fois, le fait d'avoir vu aussi autre chose que la région parisienne, et ben, me permet d'avoir vu des joueurs d'horizons différents, et de me déplacer sur d'autres régions, et je me rends compte qu'en France, il y a quand même des bons joueurs. Mmh. Enfin, je pense que, tu vois, on peut toujours se développer, toujours progresser, mais tu vois, c'est pas anodin si la France est championne du monde, tu vois. Moi, je partage cet avis. Il y a probablement un gros travail à la fédération, un gros travail du staff actuellement mis en place, probablement l'intervention de Monsieur Didier Deschamps et de son staff judicieusement choisi, mais ils sont effectivement ils profitent effectivement d'une belle émulation, que ce soit en France, même si la Ligue 1 n'est pas forcément la meilleure des vitrines pour le football français actuellement, mais c'est pas un débat dans lequel j'ai envie de te lancer, mais je suis probablement pas le mieux le placé pour en discuter, mais il profite, ouais, peut-être d'une effervescence, ou mais il y a, ouais, il y a des sais, il y a des questions d'urbanisation, notamment tu sais, tu viens de parler d'urbanisation par rapport à l'omniprésence des ballons, des terrains de foot, pardon. C'est vrai, la richesse culturelle. Ils profitent peut-être d'une richesse, d'une richesse culturelle, mais aussi d'une organisation de la société qui profite au football de haut niveau parce que c'est un sport populaire. C'est probablement que le football français profite de différentes choses qui ont fait le fruit de nombreux bons joueurs en France. Ouais. C'est un tout, de toute façon. Tu m'as offert la transition, Kevin. Est-ce qu'il serait possible pour toi un peu qu'on passe un peu quelque chose de plus actuel et que tu me présentes, parce que j'en ai pas forcément conscience, mais que tu nous présentes un peu où est-ce que tu en es actuellement, comment se passait ta saison pour l'instant? Voilà, moi je suis éducateur à Saint-Étienne en tant qu'adjoint et préparateur physique sur les U19. Bah, la saison elle s'est terminée, hein, tu vois. Si on parle uniquement de compétition, ça se passait plutôt bien. Après, nous, notre volonté, c'est aussi de former des joueurs. Tu vois, c'est, malheureusement, tu vois, il y a ce confinement et l'arrêt des championnats, mais l'arrêt des championnats veut dire aussi que les joueurs auront moins de matchs. Et c'est-à-dire moins de matchs, moins d'expérience. Donc, malheureusement, après, il y a plus important que les matchs, hein. Voilà, la situation elle est beaucoup plus grave que jouer un ou deux, trois matchs de plus. Mais c'est une situation qui est différente des saisons que j'ai pu connaître habituellement. Mais c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est une année différente. Ouais, je partage ça. T'as mentionné le fait la victoire en Gambardella la saison dernière. C'est ça en fait qui nous permet d'introduire un peu l'expérience que tu es en train de vivre en tant qu'adjoint à l'AS Saint-Etienne. Dis-moi, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que déjà j'en ai pas conscience, donc je te pose la question avec le plus de naïveté possible. Comment ça se passe pour un entraîneur comme toi pour arriver dans une structure comme l'AS Saint-Etienne? Et puis, comment ça s'est passé? Comment ça s'est réalisé et puis comment ça se passe les premières saisons durant ton arrivée? Je venais finir ma licence. C'était en 2014-2015 par là. Je venais finir ma licence et l'année de ma L2, ma deuxième année de licence, l'été, le club faisait des stages d'été. Tu vois, ça s'appelle les stages d'été des Verts, tu vois. Et du coup, comme le Drancy était club partenaire, moi, je voulais faire des stages d'été comme ça. Tu vois, ça me permettait justement d'avoir un job d'été. Ce qui est pas rien, tu vois. Ça te permet d'avoir aussi un peu d'argent. Et ça te permet aussi d'exercer encore, tu vois, quand t'as les stages, ils duraient 6 semaines. Pendant 6 semaines, tous les jours, t'entraînais, tu vois. Et du coup, j'ai pris ça comme, au lieu de faire un job d'été qui était totalement différent de mon. Bien joué, ma formation. Je dis bien joué. j'ai voulu faire ça, tu vois. J'ai voulu faire les stages d'été. Puis j'ai préféré faire ça aussi que d'aller en vacances aussi, tu vois. Parce que ça m'a. Tout à fait. Ces années-là, j'allais pas en vacances. Alors que les années sont déjà bien costauds au niveau foot. Hein. Ouais, tu vois, c'était vraiment une réflexion qui était très anodine, tu vois. Je me dis, je vais m'entraîner, ça va me permettre de voir d'autres personnes aussi que je connaissais pas, d'une autre région. Et du coup, j'ai fait les stages d'été une année. Après, je suis revenu à Drancy, j'ai fait mon année à Drancy normalement. Donc, deuxième année, je refais les stages d'été, pareil. Et du coup, à un moment donné, tu vois, il y avait un mec qui faisait les stages d'été qui était sur les U12 et qui était aussi préparateur physique de la prépa qui passe à la formation. Et du coup, il me dit, je vais changer de poste, Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et bah, après, à partir de là, j'ai dit oui, et puis c'est parti comme ça, tu vois. D'accord. Donc, il y a plein de trucs qui font, tu vois. C'est le club partenaire qui fait, à un moment donné aussi, je me dis, je vais faire des stages d'été, et je se retrouve que ce club partenaire fait des stages d'été. Tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plein de situations un peu indépendantes qui, en fait, qui se lient entre elles, tu vois. Et du coup, c'est venu comme ça, c'est comme ça que je rentre au club. Et en même temps, tu vois, en même temps, j'allais bouger sur la région parce que j'allais faire un master sur Lyon. J'avais prévu de faire un master sur Lyon. Eh ben tu vois, je ne le Donc, savais du pas, et moi je coup. pensais que c'était l'inverse. Moi je pensais que comme tu allais faire un master sur Lyon, tu allais te rapprocher et que même si j'avais fait le lien avec le club partenaire dont j'en avais eu écho, mais j'avais pas eu de écho de ce parcours. Et moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, Kevin, parce que cet échange c'est pour moi. Avant tout, mais j'ose espérer que cet échange pourra être tombé dans les oreilles de peut-être quelques personnes et plus si possible, que ça puisse intéresser. Et que moi, je trouve ton parcours extrêmement inspirant, comme l'a pu être d'autres parcours qu'avec qui j'ai eu d'autres échanges. Il y a beaucoup de naïveté dans toutes mes questions, mais il y a beaucoup de curiosité aussi par rapport à ton parcours. Et j'ose espérer que ça puisse être inspirant pour d'autres personnes. Et il y a eu beaucoup de bienveillance dans peut-être les personnes que tu as rencontrées, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance dans la démarche que tu as entreprise. Et j'ose imaginer que si des jeunes qui ont peut-être 15-16 ans, qui sont actuellement joueurs de foot et peut-être un intérêt pour l'entraînement et qui sont intéressés pour arriver en STAPS, et ben voilà le type de parcours qu'il est possible de réaliser. Alors certes, il y a énormément de travail, certes, il y a beaucoup d'investissement, certes, il y a énormément de temps passé sur les terrains. Et ça, en l'espace de 2 heures sur un podcast, on ne le résumera pas assez. Et j'en ai bien conscience parce que j'ai passé beaucoup d'heures et pour autant, j'ai pas pris le même chemin. Mais voilà le type de parcours qui est possible. Et moi, je trouve que c'est extrêmement cool et à partager. C'est un peu une des idées aussi de ma démarche, c'est de partager des parcours comme les tiens. Et puis et moi j'ai écouté bah, le podcast que tu as pu sortir, tu vois, c'est moi il y a mon parcours qui est là, mais tu vois le tien, le parcours des deux collègues que tu as pu faire, mais pour moi c'est fou, c'est des mecs qui, tu vois, moi je suis parti de Paris, je suis arrivé à Saint-Étienne, mais il y en a qui axent sur le Canada. Tu vois, là, toi, aujourd'hui, tu es en Corée. Tu vois, je veux dire, et on en avait discuté déjà avant. Mais tu vois, je trouve que c'est fou complet. Mais tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de décision, tu vois. C'est comme le fait de par exemple, lancer un podcast. Tu vois, c'est des décisions que moi, je me dis, mais comment j'aurais pas osé, tu vois, je veux dire. À l'inverse, il y a peut-être des trucs que j'ai fait que tu peux dire la même chose, Bien sûr. mais tu vois, le fait d'être allé au Canada, le fait d'être aujourd'hui en Corée, c'est, tu vois, si tu dis que mon parcours est enrichissant, mais j'ai envie de te dire que le tien aussi, tu vois, si il serait hyper intéressant entre guillemets, qu'on retourne à la fac et que chacun exprime son parcours, tu vois, et il y en a certains qui vont te dire, ah ben ce parcours-là il m'intéresse plus, celui-là il m'intéresse plus, et tu vois, ou plus ou moins. Mais tu vois, on a la même formation et pour autant, tu vois, nos parcours, ils sont assez différents alors qu'on touche au même domaine, tu vois. Et c'est quand même, ça montre, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de différents projets, ça montre que quand on s'investit, quand on réfléchit un petit peu, on peut faire des choses, tu vois. Là, tu es en train de le montrer. J'espère que ce sera pas mal perçu mais il y a un peu mon idée. C'est un peu moi en venant de région parisienne, il y a des choses qu'on n'imagine peut-être pas, notamment quand on vient un peu des hors de Paris, quand on est un peu plus de la banlieue, et quand tu mentionnes que tu viens de La Courneuve, il y a aucun endroit où il n'y a pas de meilleur endroit pour naître, il n'y a pas de meilleur parcours, il n'y a pas de meilleur, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de meilleure source de motivation, c'est très personnel, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais on oublie, voilà, que malgré que eh ben, bah, il peut y avoir des parcours comme toi où bah, ouais, c'est ça, énormément d'émotions, énormément de richesses, énormément de bonnes rencontres, énormément de bienveillance, et il y a énormément de possibilités. Et ouais, peut-être que ça sera le titre du podcast, c'est exactement de pas de mettre les œufs de tous les œufs dans le même panier, d'avoir un projet, d'avoir une passion, d'y mettre beaucoup d'énergie, mais c'est ça, de se laisser des opportunités pour pouvoir avoir l'esprit ouvert et non, c'est ça, multiplier ses possibilités et surtout s'enrichir de différentes rencontres et de différentes expériences. C'est ça, et puis tu vois, moi je pense un truc, c'est que tu vois, dans mon parcours, je suis pas dans le calcul. Tu vois, je me dis pas forcément Ça m'étonne pas que tu le dises, je ça. fais ça, tu vois, je fais ça, ça va entraîner ça, tu vois, et je le fais de manière très spontanée. Tu vois, quand je fais des trucs, c'est vraiment très spontané. Genre, je me dis pas, je vais faire ci pour ça, pour ça, pour ça. Tu vois, je me dis, je vais faire ci pour apprendre, pour m'enrichir, pour développer mes compétences. Et après, à un moment donné, j'espère que s'il y a possibilité, il y a possibilité, tu vois. Mais voilà, après, ceux qui sont des personnes qui sont dans le calcul, c'est très bien, chacun est différent. Mais tu vois, moi, c'est pas forcément ma grande berche. Je me dis, je préfère avoir des connaissances, des compétences, et par la suite, on verra ce qui se passe. C'est plutôt ma grande berche, tu vois. C'est pour ça que quand tout à l'heure on parlait de ce que je lis, de ce que je. Tu vois, des fois, il y a peut-être rien à voir avec du foot, mais tout tard, ça va servir. Et quand tout à l'heure on parlait de digérer, tu vois, les années de licence, ben c'est tout à fait ça. Hein. Tu vois, c'est un investissement un peu. Tu dis, j'étais en licence, tu dis, ben, j'ai appris pas mal de choses. Et du coup, t'arrives peut-être 5 ans, 6 ans après à dire, ah, mais oui, ça, il m'en avait parlé. Tu vois, ou n'importe quel formateur, en fait, ou n'importe quelle personne. Bien Ah oui, sûr. mais cette personne-là, je me rappelle, elle m'en avait parlé de ça. Et c'est peut-être 6 ans après que ça t'intéresse. Alors que sur le moment venu, ça t'intéressait peut-être pas, tu vois. Bah tu fais bien de le Parce que t'en avais. mentionner. Ouais, non, vas-y, excuse-moi de te couper. Ouais. Non, c'est parce que peut-être t'en avais pas, peut-être pas l'utilité, ou t'avais peut-être pas saisi aussi le concept. Il y a plein de choses qui font que ça t'intéresse pas sur le moment, mais tu vois, c'est des choses peut-être 5, 6 ans, 7 ans après, ça peut revenir. Bah, je sais pas si tu te souviens, justement, je peux le partager avec toi parce qu'on a été sur le même parcours, mais moi, quand j'arrive, je suis pas là pour rappeler mon parcours. Bref, quand on arrive en première année de STAPS, je m'en souviens très bien, on a gymnastique. Bref, j'ai 22 ans, moi je reprends les études un peu tard. Bon, bref. Mais il y a un enseignant, je me souviens plus son nom et j'en suis désolé. Néanmoins, je me souviens d'une chose, il a dit, je crois au bout du deuxième cours ou troisième cours, bah, faut considérer que moi la gym c'est vraiment pas mon truc, il dit ouais, se perdre pour mieux se retrouver. Alors je sais pas si Non, ça c'est fait sûr. écho chez toi, sauf que Non, mais ça. lorsqu'il dit ça, alors moi je ne l'intègre mais absolument pas. Je sais juste qu'il le dit et moi il me perd. Tu vois, quand il me perd, c'est. Bah, j'ai pas pris énormément de plaisir en gymnastique. Je crois que je m'en suis sorti avec 6 ou 7, même pas la moyenne pour pouvoir m'en sortir dans cette matière. Bref, c'est pas l'idée. Mais lorsqu'il dit ça, je dis ok, il me perd, mais il me met en réflexion. Et puis je dis d'accord. Bon. Et comme tu le dis, bah, je crois que je la garde, mais je m'en sers pas. Elle n'a aucune utilité. Et puis je pense que 3 ou 4 ans après, quand je pars au Canada, quand je commence mes premières expatriations, mes premiers voyages, mes premiers gros gros voyages, eh bien, je commence à prendre conscience, se perdre pour mieux se retrouver. Quand je commence justement à arriver dans un endroit que je ne connais absolument pas, à me rendre compte que tous les chemins mènent à Rome, bon, c'est une expression, mais que bah, pour revenir chez moi, bah, en fait, je prends jamais le même chemin parce que je ne le connais pas. Je reviens chez moi par différents endroits. Et puis en fait, en l'espace de 3 mois, j'ai pris 4 chemins différents pour rentrer chez moi parce que je me suis perdu plusieurs fois. Et ben, je me suis rendu compte qu'en me perdant, et ben, j'arrivais à mieux me retrouver parce que après, au lieu de connaître qu'un seul chemin, j'en connaissais quatre. Mais je connaissais quatre endroits différents pour rentrer chez moi. Je sais pas si tu vois ce que je sais pas si tu vois, si tu comprends ce que je viens de dire. Ouais, Et ben je vois, après, 4, et mon gars, 4-5 ans après, je reprends à ce prof de gymnastique qui me dit se perdre pour mieux se retrouver, bah, je peux te dire que 4 ans après, j'ai très bien compris. Et puis que maintenant, volontairement, lorsque je vais quelque part, bah, je me perds volontairement pour mieux me retrouver. Non, mais je comprends. Et, mais c'est lié aussi à... En fait, c'est lié à l'apprentissage aussi, tu vois. Ah, mais alors là, complètement. À un moment donné, tu vois, on dit souvent, pour apprendre, il faut désapprendre. Ah là là. C'est quelque chose que j'ai souvent lu, tu vois. Mais quand tu arrives... Tu vois, quand tu arrives en première année, c'est des choses, des fois, je discute avec des gens, et c'est ce que tu dis, tu vois. Quand tu arrives en début de formation, ou certaines formations, tu vois, en tout cas, moi, c'était mon cas, j'arrivais en première année de licence, deuxième année, ceci, cela, j'ai pas la même maturité aussi, j'attendais des recettes un peu magiques. C'est fou, hein. C'est-à-dire que ouais. le prof qui me donnait comment faire un 15-15, par exemple... Ah, j'étais content, ouais. J'étais heureux. Tout de suite, du concret, tout de suite. Voilà, il m'a donné de la réalité. Vraiment, c'est vrai ça. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus dans des concepts. Bah maintenant, c'est peut-être les enseignants que je. Exactement, que je ne veux plus. Les enseignements que je ne veux. Ouais, ouais. Excuse-moi de t'avoir coupé, Kevin. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, maintenant, je suis beaucoup plus dans des concepts que moi je vais aménager à ma sauce parce que j'essaie de relier un peu différentes choses qui vont permettre justement de faire une soupe qui va être bonne pour moi et qui va être bonne pour mes joueurs, tu vois. Mais moi je me rappelle mes premiers temps à la Fédé aussi, tu vois, les formations à Fédé, je voulais absolument qu'on me dise mais donne-moi quoi faire, tu vois, dis-moi quoi faire maintenant, demain. Mais maintenant, maintenant que j'ai un peu plus de recul, mais les profs qui m'ont donné juste la porte, ils me disent vas-y, va voir là-bas, ben c'est eux que je te dis pas que je remercie non plus, mais c'est eux que je me dis ah, eux, toi quand on parlait d'apprentissage à long terme, eux ils vont me permettre d'avoir un socle solide. Parce que justement, ils m'ont permis d'aller, comme tu parlais, d'aller un peu loin, entre guillemets loin de ma zone de confort. C'est pour justement, je vais loin de ma zone de confort pour l'agrandir, comme cette zone de confort. Alors que si tu as une zone de confort qui est minuscule, ça reste très très bancal, je pense, tu vois. Mais tu vois, cette idée là de dire tu vois, maintenant je veux plus de recettes magiques, tu vois. C'est pas ça qui m'intéresse. Tu peux me la donner en exemple, mais ça peut pas être le fond de ta formation, tu vois. Oui, parce que le souci de ça, c'est que il y a les trois quarts du temps, cette recette miracle qui n'existe pas vraiment, bah, elle sera probablement pas adaptée ni au contexte, ni au public, ni au niveau de compétition, ni aux circonstances, ni à l'environnement. Je pense que tu vois à peu près de quoi je veux parler. C'est ça. Non, mais et surtout que par la suite, tu deviens un imitateur, tu vois. Exact, en plus. Et moi, j'ai pas trop envie d'être un imitateur parce qu'en fait, je peux être le meilleur imitateur possible, mais chaque personne est individuelle. C'est-à-dire que même si je peux l'imiter de mieux que je peux, je pourrais pas, en fait. Tu vois, je pourrais pas vraiment être cette personne. Exact. Parce que j'ai peut-être pas la même intonation de voix, j'ai peut-être pas la même réflexion sur ça. Et puis après, finalement, tu tournes en rond parce que si t'as pas le concept, tu peux pas aller au fond du truc. C'est-à-dire que tu restes que dans du superficiel. C'est-à-dire qu'il t'a dit comment faire un 15-15, mais toi, il m'a dit c'est un 15-15, mais du coup, je vais jamais faire de 30-30. je caricature un peu le truc un peu grossièrement, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu l'idée, tu vois. Par contre, s'il t'explique la physio du 15-15, peut-être tu dis, ah, je vais aller gratter un petit peu pour aller sur de la physio du 30-30, tu vois. Et dans d'autres aspects, tu peux le faire, hein, pédagogie, tactique, technique, dans d'autres aspects, c'est là, exactement la même chose. Non, complètement, et puis, comme tu le dis, chaque personne est différente, et puis chaque éducation est différente. Je pense que chaque parcours est... J'en prends notamment conscience en ayant commencé le podcast, on est au 14e épisode, donc j'ai enregistré je crois 14 épisodes en l'espace de 2 ou 3 mois. C'est fou comme chaque parcours est unique. Effectivement, on a beaucoup de similitudes parce que nous ne restons que des êtres humains, mais Chaque parcours est unique et chaque personne a énormément de sensibilités différentes parce que l'éducation est différente, les rencontres sont différentes, le parcours universitaire éducatif est différent. Donc ça crée, il y a forte chance que ça crée un pédagogue différent, quelqu'un qui va transmettre différemment. Forcément. Et dis-moi, ouais, non, vas-y. Tout... Ouais. Je t'en prie, excuse. Donc toi, ouais. Ça, c'est en lien avec tout ce que toi, tu allais en parler des conférences ou des livres que je lis, tu vois. C'est, l'idée, elle est vraiment là, tu vois, de dire je vais lire ce livre-là parce qu'il va me permettre justement de digérer un truc qui va. Tu vois, quand je dis digérer, c'est, hein, ça va émerger, tu vois, c'est aussi un mot qui me plaît aussi, ça va émerger quelque chose de nouveau, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que la discussion qu'on a eue aujourd'hui va émerger en moi d'autres réflexions. Et ça va faire un peu effet boule de neige et ça va créer d'autres choses, tu vois, etc., etc. C'est ça le but, je pense. Ah, le but de ma démarche, c'est quasiment une des valeurs socles de ça. Le mouvement crée le mouvement. Ça, j'en suis. C'est une valeur que j'ai intégrée. Et à chaque échange, je sors grandi de cela. Et surtout quand je vais avoir le luxe de pouvoir les réécouter et de réécouter cet échange, c'est notamment après à froid de pouvoir en avoir une autre réflexion dessus. Ça, c'est extrêmement intéressant pour moi. Si on revient un peu sur ton expérience à l'AS Saint-Etienne, un peu, Kevin, sans rentrer forcément dans les détails. La saison passée, vous remportez la Gambardella. Toi, tu es adjoint avec le même entraîneur, le même entraîneur depuis plusieurs années. Tu confirmeras et tu préciseras si je dis des bêtises. Un groupe un peu différent parce que les joueurs ont grandi, donc un groupe un peu différent. En restant dans les grandes lignes, on peut se contenter de parler notamment de cette saison. Ça ressemble à quoi ça ressemble à quoi une saison à l'AS Saint-Etienne avec Kevin, un début de saison et puis ce à quoi tu peux nous partager notamment cette saison, comment vous l'avez vécu un peu, comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez vécu. Tu vois, l'année de la Gambarde, c'est une année pas l'année de la Gambarde, c'est une compétition qui démarre L'année d'avant, en décembre. Exact. Ouais. Donc, t'as déjà 5-6 mois. Pour les équipes qui jouent en national, ça démarre en décembre. Et du coup, t'as 5 mois, entre guillemets, d'entraînement, de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as des moments où tu gagnes, des moments où tu perds, et des moments où des joueurs ils s'entraînent avec l'équipe d'au-dessus. Après, ils s'entraînent aussi encore avec l'équipe d'au-dessus, tu vois, les pros ou la réserve. Excuse-moi, et Kevin. Excuse-moi, quand tu dis la Gambardella, c'est-à-dire que pour les équipes de U19, les de nationales, pardon, elles démarrent c'est-à-dire que. 64e. Ouais, voilà, vous rentrez en compétition au mois de décembre pour une finale qui a lieu à peu près au mois de mai, c'est ça? C'était fin avril, le 27, je crois. De fin avril, ok. C'est juste pour clarifier s'il y a des personnes qui ne sont pas du tout niveau foot, d'accord. La Gambardella, je pense que tout le monde à peu près va connaître. Enfin, non. Mais la Gambardella, c'est la compétition réservée uniquement aux équipes U19. Voilà. Là, maintenant, ça a changé. Cette année, ça a changé sur les U18 maintenant. Mais l'année dernière, c'était les U19. D'accord. Ah oui, parce que les catégories ont changé en France, là. Ouais. Ouais, ça a un peu bougé. Ok, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était juste pour être. Ouais, ok. Pour vulgariser. C'est vraiment une aventure, tu vois, entre guillemets, pour mon année à moi, c'était une année hyper enrichissante, tu vois, parce que déjà, c'est différent du championnat, parce que tu perds le match, t'es éliminé, tu gagnes le match, t'as le droit de rêver encore, tu vois, et ça crée quelque chose de nouveau, tu vois, dans ta conception de l'entraînement, du match, et tu vois, c'est quelque chose de, donc, en termes d'enrichissement et de développement personnel, c'est quelque chose de qui était très, très bien pour moi, tu vois, tu vis des matchs de manière différente, tu vois, la préparation du match, le match, c'est des choses qui sont totalement différentes de mon quotidien, entre guillemets, et du coup, et puis, tu prends goût à cette victoire, tu vois, petit à petit, tu dis bon, 64e, 32e, tu passes sur des matchs difficiles. Du coup, c'est tu vois, dans mon, tu vois, si on parle de développement de moi en tant qu'éducateur, bah, ça révèle en toi d'autres composantes, tu vois. Et ça, c'est en ça que, tu vois, au-delà de l'aventure humaine avec les joueurs où tu passes un super moment parce que tu vis des énormes trucs, tu vois. Mais c'est surtout, tu vois, en termes de développement personnel et en termes de connaissance de soi, tu sors grandi d'une aventure pareille, tu vois. Mais vas-y, parce Kevin. Ouais. Non, vas-y, vas-y, excuse-moi. Déjà, le fait de vivre, je pense que déjà, le fait de vivre quelque chose de différent, même si j'avais déjà connu la gambarde de l'année précédente, mais le fait d'avoir plus de matchs, et bah, forcément, tu vois, c'est encore plus de matchs pour apprendre. Tu vois, c'est en termes en termes de préparation de match, en termes de préparation du joueur, mentalement aussi, comment tu vas lui parler, les vidéos de l'adversaire, essayer d'analyser le mieux possible sur le match, essayer de pouvoir voir les données. En fait, le but, c'est de donner un maximum à tes joueurs pour que tes joueurs puissent s'exprimer. C'est ça le but de l'entraîneur. Tu vois, c'est parce que l'entraîneur, il peut pas agir, entre guillemets. L'entraîneur, il peut pas aller sur le terrain, prendre le ballon et mettre une lucarne, tu vois. Et les seuls qui peuvent le faire, c'est des 11 joueurs qui sont sur le terrain. Et du coup, le but de l'entraîneur, je pense que c'est ça, c'est de créer et c'est ça qui m'a un peu appris l'année dernière, c'est que tu dis, le but, c'est de préparer au mieux le joueur dans tous les aspects de la performance pour qu'il puisse être le meilleur possible, tu vois. Et ça, c'est je pense que c'est ça qui, tu vois, cette année-là m'a permis ça, tu vois, m'a permis de vraiment mettre en lumière cet aspect-là, tu vois, la préparation du match, la préparation du joueur pour un match, tu vois, et des matchs à enjeu, c'est encore quelque chose de fou, tu vois. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu dans les détails là, tu sais, par exemple, à quel point cette compétition-là, notamment, cette victoire en Gambardella, à quel point elle t'a fait grandir? À quel point, comment cette compétition t'a rendu une meilleure personne, mais aussi un meilleur entraîneur? Et je sais pas si elle m'a rendu, entre guillemets, meilleur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a rendu. Tu vois, elle te donne une certaine passion différente. Tu vois, cette compétition, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le fait d'être éliminé ou pas, ça te donne un goût différent. Et le fait d'être une coupe qui est nationalement connue, et ben, ça donne un peu un attrait ça te sort un peu de ton train-train quotidien. Et du coup, ça te force, vu que tu as envie de continuer l'aventure, ça te force à progresser, tu vois, même à progresser dans, quand je te parlais d'essayer d'analyser l'adversaire avant un match, c'est des choses que j'ai c'était l'année passée où je me suis dit, ah ouais, ça, c'est peut-être quelque chose de clé, tu vois, dans la préparation du joueur, tu vois, et c'est quelque chose de très récent dans le football, tu vois, à un moment donné, la relation à l'adversaire et l'entraînement, c'est quelque chose de très récent, tu vois. Avant, il y avait moins accès aussi à la vidéo ou des choses comme ça, tu vois. Alors que maintenant, c'est quelque chose de, tu vois, quand je te parle de préparation du joueur, dans le bagage du joueur de football maintenant, il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte, ça reste l'aspect aussi de la vidéo, tu vois, qui n'existait pas forcément. Et ça, c'est un truc que je pense que le joueur, le but du joueur de foot et d'équipe de foot, c'est toujours d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire. Et il faut essayer d'avoir un temps d'avance aussi bien techniquement que physiquement, mais aussi sur la connaissance de l'adversaire, tu vois. Il faut avoir une connaissance très développée de son jeu. Il faut être capable justement de mettre ses qualités sur les défauts de l'adversaire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, si on prend l'exemple de moi il y a 5 ans, c'est quelque chose que j'avais pas forcément assimilé. quand j'étais encore quand je venais d'arriver à Saint-Étienne ou quand j'étais à Drancy, c'est pas quelque chose qui je m'étais jamais intéressé à forcément à ça, tu vois. Je m'intéressais à mon entraînement un peu quotidien. Et là, tu vois, le fait d'avoir cette compétition là, ben ça te permet aussi d'avoir une vision à, entre guillemets, à un peu plus long terme, entre guillemets. D'accord. Je sais pas si je sais pas si je me suis bien expliqué, mais tu vois, c'est tu vois, c'est sur un autre aspect de ce que l'entraîneur doit donner à son joueur, je pense aussi. C'est parfait, Kevin. Là, tu es en train de m'enrichir, tu ne t'en rends pas compte, peut-être, mais je te le dis. Comment on arme ses joueurs? Tu as parlé d'armer ses joueurs. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les détails, évidemment, parce que ça prendrait trop de temps. Il y a probablement des trucs que tu ne peux pas partager. Mais avec ce quoi tu peux partager, justement, comment toi, tu as dit justement, il y a la vidéo maintenant pour outiller davantage les joueurs. Mais en plus de ça, qu'est-ce que Kevin, tu transmets à tes joueurs pour justement permettre à ton joueur de marquer dans la lucarne, parce que toi, tu ne peux pas le faire. Moi, je ne sais pas si je le transmets. Tu vois, je vais te donner la théorie, ma théorie, et ça ne veut pas dire que tu vois, il aurait fallu entre guillemets parler avec un de mes joueurs. En tout cas, je tends à ça. Je tends à ce que je vais t'expliquer. Ah, mais je ne suis pas du tout fermé à parler à un des joueurs. T'as dit quoi? Non, je dis je ne suis pas du tout fermé à parler à un des joueurs. Non, ça c'est pas interdit. Là, c'est encore un autre problème. Ouais, non, je sais. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tends à ça. Je pense, tu vois, déjà, je pense que le joueur, il doit... Tu vois, quand tu as là, on parle de relations entre le joueur et toi, on parle en psychosocial, on parle de relations entre-entraîné. Toi, c'est quand même très important. Après, je vais découler d'autres choses, tu vois. Mais cette relation-là, je pense qu'elle est importante. Et ce que je te dis là, ça ne veut pas dire que moi, je suis capable de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est... Toi, c'est vraiment pas une description de moi que je suis en train de faire. C'est vraiment ce que je pense qui est bon. Sur ce que je pense, sur quoi je tends. Et ça ne veut pas dire que moi, j'arrive à le faire ou que mes joueurs pensent que je le fais bien. Mais cette relation-là, je pense qu'elle est... Elle doit être... pour lancer d'autres choses, hein. Elle doit être sincère. Elle doit être honnête. Pour justement, et on en a parlé tout à l'heure, pour justement permettre de briser un peu cette hiérarchie-là qui est naturelle. Parce que l'entraîneur et l'entraîné, il y a forcément une hiérarchie. Moi, je la veux la plus horizontale possible. Et tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de la conférence d'Arsène Wenger, il en parle de ça. D'horizontalité. Moi, je la veux la plus horizontale possible pour justement aller au bout de l'échange, pouvoir discuter. Mais dans tous les cas, tu restes entraîneur. Et pour ça, tu vois, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait besoin de surjouer le rôle. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de jouer le rôle d'entraîneur, parce que j'estime que, tu vois, cette certaine horizontalité va te permettre justement d'aller au bout de moi et au bout du joueur, tu vois. Donc, cette relation-là, elle doit être honnête, elle doit être sincère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller au bout de ce que tu penses avec le joueur, tu vois, d'un point de vue aussi bien social que technique que tactique. Je pense que, tu vois, sur les jeunes joueurs, c'est quelque chose de très intéressant. Et la deuxième chose, pourquoi je parlais de ça, c'est la connaissance du joueur, que le joueur a de lui. Tu vois, le joueur... Attends, parce que là, c'est deux choses différentes, là. C'est deux choses différentes, mais la connaissance que toi tu as du joueur, mais la connaissance que le joueur a aussi de lui. Là, il y a deux choses différentes ou c'est la même chose pour toi? Non, c'est pas la même chose, mais elles sont liées. D'accord. C'est-à-dire que moi, mon but en tant qu'éducateur, c'est bien évidemment de connaître mon joueur le mieux possible dans tous les aspects de sa vie et technique pour comprendre justement ses réactions et ses attitudes. Mais le but, c'est l'aider à qu'ils se comprennent et qu'ils se connaissent. Tu vois, qu'ils connaissent ses ressources, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que le joueur doit connaître ses qualités, il doit connaître ses défauts, il doit connaître son état d'esprit, comment il est, pour justement qu'on puisse travailler sur ça. Tu vois, quotidiennement, le joueur, faut qu'il sache que dans tel environnement de jeu, dans tel environnement d'entraînement, il faut qu'il connaisse ses ressources. Je te donne un exemple un peu bateau, hein. Mon joueur, grâce à lui, grâce à nous, ce qu'on a créé, ce qu'il sait de lui, il sait que il court très vite. C'est une de ses qualités. Enfin, je te donne des qualités bateau que tout le monde puisse comprendre facilement, entre guillemets. Tu sais, Il court très vite. Kevin, j'ai entendu que le meilleur pédagogue, c'est le meilleur vulgarisateur. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est parfait. Aller au plus simple pour que le plus de gens comprennent. C'est parfait pour moi. Merci, Kevin. Bah, je vais essayer de vulgariser alors. Et du coup, ce joueur-là, il va très vite. Toi, en tant qu'entraîneur, tu vas le mettre dans l'environnement joué, le match, par exemple. Lui, dans cet environnement-là, il doit déceler en quoi ses ressources vont permettre de bien jouer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que dans son environnement, il y a le partenaire, il y a l'adversaire, il y a le ballon, il y a le terrain, il y a tout ça, tu vois. Et le but de l'entraîneur, c'est justement de lui donner ça. C'est-à-dire que avec tes qualités et tes défauts et la connaissance que tu as de toi, permettre justement d'avoir un rendement le plus haut possible. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que ce que tu vas. Ce que, et après, là, c'est la connaissance de soi et la connaissance du jeu va permettre aussi au joueur d'avoir des auto-feedbacks. C'est-à-dire que le joueur, c'est toujours. Je fais des choses et j'ai une réaction de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est comme une balle de tennis que tu jettes contre le mur, elle te revient. Tu vois ce que je veux dire? Et selon comment tu l'as envoyé, ben, tu adaptes ton geste pour envoyer le mieux possible la deuxième fois et la troisième fois, etc. Tu vois? Et je pense que c'est ça, tu vois, le rôle de l'entraîneur, il se joue là, tu vois? La connaissance qu'a le joueur, et bien sûr, développer les qualités, essayer de gommer un maximum les défauts possibles. Avoir des feedbacks, un joueur qui doit être capable de quand je te parlais d'émancipation tout à l'heure, d'avoir des auto-feedbacks, des feedbacks qui se fait à lui-même. Pour justement optimiser ses performances. Et aussi des feedbacks de l'entraîneur qui est là pour orienter aussi le joueur. Tu vois. Le joueur doit être capable d'être assez seul dans son auto-évaluation, mais être capable d'être aussi orienté par l'expertise d'un autre entraîneur. Tu vois. Et comme je te dis, je suis pas sûr d'être super bon à ce que je viens de te dire, tu vois. Bien sûr, Mais bon, on discute, hein. en tout cas, mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est tendre sur ça, tu vois. D'accord. Et tu dis C'est-à-dire que le justement que... joueur, tu Ouais. vois. Non, vas-y. Non, j'ai rien de particulier. Tu disais justement que vous vous serviez de la vidéo pour armer d'autant plus vos joueurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager à ce niveau-là ou... Bah après, il n'y a pas de recette magique, comme on disait tout à l'heure. Soit c'est des choses très simples, tu vois. C'est des situations où le joueur, il a réussi. C'est-à-dire qu'on va stigmatiser des choses où il a réussi et des fois des choses où il n'a pas réussi. Tu vois, et toujours, en fait, l'idée, c'est aussi, tu vois, quand on parlait de relations entraîneur-entraîné, c'est de, je pense, c'est de construire ensemble le joueur et ce qui va permettre justement de construire ensemble l'équipe, tu vois. Mais tu vois, c'est pas je pense que c'est pas ma vision du truc, tu vois, mais de dire moi je t'impose comment tu vas jouer. Parce que finalement le joueur il a vraiment des ressources, mais il y a certaines ressources qui sont aussi innées, tu vois, et que nous on va essayer de faire émerger à travers nos différentes interactions. D'accord. Tu as mentionné le fait de cette compétition que vous remportez, c'est des matchs qui sortent de la routine, c'est des matchs émotionnellement très impliquants, que ce soit l'après, le pendant et l'avant probablement. Comment tu les as préparés, comment vous ou comment toi tu les as préparés ces matchs? Après, on est toujours les a préparés avec le staff, hein. Tu vois, c'est beaucoup, tu vois, c'est des analyses de l'adversaire, c'est des analyses de nos forces du moment aussi, c'est beaucoup de discussions de ce qu'on veut mettre en place, c'est des choses comme de ce type-là, tu vois. Mais après, tu vois, c'est quelque chose de, comme je te disais tout à l'heure à Drancy, c'était quelque chose de très collectif. Là, c'est aussi pareil, tu vois, quand tu construis quelque chose, souvent, hein, à moi, de comment je vois les trucs, c'est souvent quelque chose de très, très, très collectif, tu vois, et des échanges, Et c'est des choses comme ça qui font te dire que c'est peut-être cette solution-là, à ce moment-là, qui sera la bonne pour essayer de gagner le match. Mais du coup, ça me Après, fait moi, des... tu vois, Ouais, vas-y. moi, individuellement, je suis quelqu'un de. Tu vois, après, tu me connais, je pense que j'ai quand même aussi un peu évolué un peu. Mais je suis quelqu'un de très posé. Je suis pas. Je me mets pas Non, non, trop ça la se voit pas pression, trop, ça entre se voit pas guillemets. trop, ça Tu s'entend pas trop. T'as dit quoi? Non, je dis ça ne s'entend pas trop. Non, non. Ah, je suis quelqu'un de très, très, peut-être très ou trop cool. C'est peut-être des fois on dit c'est les gens des îles qui sont comme ça, tu vois, mais c'est un peu un trait de personnalité. Je suis un peu un mec un peu tranquille, un peu, tu vois, quelqu'un de très, très positif. Du coup, j'ai vécu cette situation de manière très, très posée, tu vois. Tu vois, même les finales, tu vois, le fait de, tu vois, n'empêche, tu reviens à côté de chez toi, tu vois, Saint-Denis, c'est collé à la Corniche, quoi. Tu vois, du coup, tu vois, tu permets, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de mon père, je crois que c'est la première fois que mon père est rentré au Stade de France, tu vois, alors qu'il habite à 5 minutes du Stade de France. Tu nous parlerais un Tu vois, peu c'est le, tu vois, tu. de, tu nous parlerais un peu, Kevin, de cette finale? Comment tu l'as vécu, les émotions? Est-ce que, sans nous refaire le match, mais je sais pas, ouais, moi je suis un friand d'anecdotes, j'adore, moi j'adore les histoires, j'adore les anecdotes, donc est-ce que tu nous partagerais un peu, je sais pas, comment tu as vécu ça, comment ça s'est passé Déjà, c'est très simple, je vais pas en parler, même ça va pas durer longtemps, mais je l'ai vécu de manière très positive. Franchement, j'ai profité, j'ai passé un hyper bon moment. Tu vois, c'était franchement un bon moment humain. Tu vois, parce que tu vois, j'avais des gens autour de moi qui m'ont permis de passer un bon moment humain. Tu vois, j'ai pas eu de pression particulière, j'ai passé mon temps à rigoler, mon temps à sourire, mon temps à être optimiste, tu vois. J'ai vraiment passé un. Tu vois, c'est. Des fois, on dit un peu. Après, je suis pas joueur, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas. C'est les joueurs qui jouent. Hein. Mais tu vois, franchement, j'ai passé un. Tu vois, quand tu fais le tour, j'ai passé un bon moment avec les gens qui ont fait le voyage avec nous. C'était un super moment, tu vois. J'ai vraiment passé un moment très agréable. Tout au long du match, tu vois, j'ai pas tout au long avant le match, pendant le match, après le match, tu vois, et puis j'avais une très grosse confiance aux joueurs, tu vois, aux joueurs et au staff qui était avec moi. Du coup, je te dis pas que j'étais pas inquiet ou avoir le boulard ou ceci cela, tu vois, parce que ça aurait pu très bien tourner dans l'autre sens. Mais franchement, objectivement, j'ai passé un très bon moment. Tu vois, au-delà de la victoire, tu vois, au-delà de la victoire qui te fait passer un très bon moment après. Mais avant, j'ai passé un très très bon moment. Tu vois. Comment on crée le cadre, le comment on crée ce cadre de victoire? Comment on crée je sais pas si tu comprends un peu ma question, mais comment on crée le fait de minimiser l'échec ou d'optimiser quels sont les ingrédients qu'il faut mettre pour optimiser la victoire, même si elle n'est jamais 100% acquise, 100% sûre, il y a toujours une part d'incertitude et d'imprévisible. Mais comment toi, c'est quoi les ingrédients que tu me partagerais, les petits secrets pour justement créer c'est justement un peu comme le joueur tout à l'heure qu'on a dit, peut-être que tu vas me dire, bah, tu sais, je ne sais pas exactement ce qui peut permettre de réussir un joueur, mais en tout cas, il y a des choses dont je suis certain qui amènent à l'échec. D'accord, ça, j'ai bien compris et je suis heureux d'avoir ton expérience par rapport à ça, mais elle est un petit peu similaire, un peu la question, mais c'est encore une fois, c'est libre, hein, c'est très naïf et c'est très libre. Franchement, après, peut-être que dans un autre podcast, tu vas inviter peut-être Guardiola, Mourinho, Ferguson, et peut-être qu'ils ont la meilleure recette parce qu'ils ont gagné. Mais moi, franchement, je sais pas. Je sais pas parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, ça dépend du contexte, ça dépend du moment, ça dépend de pas mal de choses. Tu vois, il n'y a pas de recette forcément pour gagner. Après, tu vois, comme je te dis, le cadre qui a été posé, c'est un coach qui l'a posé, c'est un staff qui le pose, c'est les joueurs qui vivent avec, qui l'acceptent, qui l'enrichissent. Tu vois, un club qui enrichit aussi ce cadre-là. Tu vois, C'est un tout, tu vois, il y a pas de tu vois, c'est un tout qui est interdépendant, tu vois. C'est pas je pense pas que ce soit un cas particulier, tu vois. Parce que tu vois, finalement, les joueurs, tu vois, ils appartiennent pas à moi, tu vois, ils appartiennent à eux déjà. Et puis, tu vois, et chaque personne de leur environnement leur a permis justement de peut-être faire le bon geste. Tu vois, c'est un tout, tu vois, moi, j'avais pas de recette particulière pour ça, mais je pense que moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est passer des bons moments, tu vois, et avoir un cadre de travail qui est positif. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important, tu vois. Je suis quelqu'un de, même si des fois, j'ai des petites rechutes ou des fois, tu vois, quand je parle à un joueur, des fois, il peut penser que je suis négatif, mais tu vois, je suis quelqu'un de très positif et je veux que ma pédagogie s'oriente vers ça, tu vois. Tu vois, je pense que les joueurs, ils ont besoin de ça quand même. Non, mais je suis content qu'il y a un vrai fil conducteur dans cet échange et moi je partage ça de mettre l'humain, le plaisir, le cadre au cœur des valeurs et tout. Moi ça me convient très bien. Tu fais des passerelles entre Drancy et Saint-Étienne. Peut-être qu'il y a des passerelles aussi parce que c'est ton expérience et peut-être parce qu'il y a aussi des victoires sur les deux parcours. Tu as parlé de cadre dans les deux d'expérience. Est-ce que. Voilà, il y a peut-être des choses encore que tu peux partager là. Tu peux peut-être pas être transparent sur tout, mais est-ce qu'il y a des similitudes dans les deux cadres entre Drancy et Saint-Étienne? Et est-ce qu'il y a des différences? Et s'il y a des différences, lesquelles tu peux mentionner dans justement le cadre que vous avez mis en place à Saint-Étienne pour amener à la victoire? Après, je pourrais pas, tu vois, la victoire que je t'ai dit à Drancy, j'étais joueur et tu vois, je me rappelle même plus, tu vois. Enfin, entre guillemets, je me rappelle de certains moments clés. Ouais. Mais je me rappelle plus vraiment, tu vois, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. Tu vois, je me rappelle plus vraiment. Et puis, quand t'es joueur. Kevin, je parlais vraiment du cadre, excuse-moi, je parlais vraiment du cadre que t'as mis en place à Drancy en tant qu'entraîneur. Hein. D'accord. Parce que tu me parlais aussi de mettre un cadre avec les joueurs tout à l'heure. Après, tu vois, il y a des trucs qui sont similaires, c'est que dans les deux cas, t'as des jeunes adolescents ou des adolescents ou des jeunes adultes qui sont en face de toi, tu vois. Tu vois, que tu sois dans un club pro ou dans un club amateur, tu vois, ils ont les mêmes moments de vie, tu vois. C'est l'école, c'est les sorties entre copains, c'est les premières copines, tu vois. Enfin, humainement, ils se ressemblent quand même pas mal, ces joueurs-là, tu vois. C'est la vie d'un humain, en fait. Après, les différences, c'est pas la même, non plus le même objectif de club. Tu vois, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas le même, tu vois. T'as l'environnement d'un club pro où le but, c'est de former des jeunes qui puissent jouer en professionnel, et tu as un autre environnement qui est d'envoyer des joueurs en club pro ou d'autres choses, tu vois. Mais ce qui se regroupe, tu vois, dans les deux cas, c'est que franchement, j'ai l'impression que dans les deux clubs, c'est, tu vois, quand je te parlais de passer un bon moment, c'était que j'ai, tu vois, moi en tant qu'éducateur, j'ai passé des bons moments à Drancy, je passe des bons moments à Saint-Étienne, tu vois. Je pense que s'il y a un lien à faire entre les deux, c'est vraiment ces relations humaines, tu vois, qui sont pour moi très très importantes et qui dépassent le cadre du football, tu vois. Tu vois, dans n'importe quelle structure ou n'importe quelle entreprise, je pense que c'est le ciment qui va te permettre justement de développer les aspects techniques, tu vois. Ouais. Et développer optimiser les valeurs de l'être humain, tu vois. C'est pour ça que j'en parle peut-être un peu trop, et je trouve que, tu vois, il y a, à un moment donné, c'est, tu vois, j'aime pas, comme tu dis, j'aime pas hiérarchiser, dire ça c'est mieux que ci, que ça. Mais je pense que quand même avoir des valeurs communes ou avoir des valeurs fortes, tu vois, c'est quand même quelque chose de très important, tu vois. Saint-Étienne, c'est un club avec beaucoup de valeurs, tu vois, beaucoup de valeurs fortes. Et tu vois, Drancy, dans un cadre différent, c'était aussi pareil, tu vois. Donc, tu vois, c'est quand même important, tu vois, de partager des choses. Complètement. T'as parlé d'analyse de l'adversaire. T'as parlé notamment du fait que t'as énormément progressé à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu pourrais me partager par rapport à ça? Comment justement vous avez analysé les adversaires durant ce parcours de Gambardella, que ce soit sur les quarts de finale, huitième de finale, demi-finale, finale? Bah, déjà, moi je pense réellement que je regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'analyses tactiques, tu vois. On en voit plutôt pas mal et c'est très intéressant. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, moi c'est quelque chose que j'arriverais pas à faire, tu vois, d'exposer un peu mon avis. Et tu vois, donc si les personnes qui le font, je leur remercie encore parce que c'est source d'information. Mais je pense que déjà la première des choses, c'est il faut. Si tu veux, je te dis pas que j'ai l'œil, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que mon œil se développe. Je suis content que Tu tu me vois, parles de il ça. se développe, Ouais. il se développe à force de regarder, tu vois, à force de regarder des matchs, à force de créer un peu des moments de jeu un peu typiques, tu vois. Tu dis, un jour, j'ai vu ce type d'action-là. Ça s'est fini comme ça. Un jour, j'ai vu ce type d'action-là. C'est fini comme si. Et c'est ça, tu vois, le fait de développer son œil, tu vois, à force de regarder des matchs, tu regardes des matchs quasi quotidiennement, hein, maintenant, tu vois, si t'as un peu accès un peu au football maintenant, tu peux regarder du foot du lundi au dimanche, tu vois. Et du coup, développer son œil, entraîner son œil, c'est vraiment, hein, quelque chose qui. Il faut développer, mais pas que aussi, tu vois. Il faut essayer de se créer, je pense, un cadre d'analyse, tu vois. Et par ça, tu vois, tu as des échanges entre éducateurs, tu as des lectures qui peuvent te permettre justement de déguiser un peu ton œil, tu vois. Même si le mien, il est encore très perfectible, tu vois. J'ai encore plein de choses que je dois apprendre. Mais tu vois, c'est à force de, c'est un entraînement, en fait, hein. D'accord. C'est un entraînement qui doit être quotidien aussi, tu vois, je pense. Tu regardes des matchs et pour moi, c'est même pas un travail, c'est une passion, tu vois. Quand tu te mets devant la télé et que, je sais pas, que t'as Bayern Munich, Real Madrid, bah, j'espérais que si t'aimes un peu le foot, t'es content de le voir, le match. Comment tu... Je suis content que tu parles de l'œil parce que dans le premier podcast que je fais avec Maxime Chaly, justement, que... lui, il est analyse vidéo maintenant et on a beaucoup parlé justement de d'aiguiser l'œil, que l'œil se développe. À quoi tu fais référence et comment justement, comment tu viens d'y répondre justement en regardant, en passant du temps à regarder des matchs. Mais je sais pas, est-ce que tu pourrais citer deux ou trois exemples de choses que tu voyais pas avant et que tu vois maintenant ou peut-être une autre. J'essaye de poser des meilleures questions au fil des podcasts. Je sais que ça fait déjà deux questions que je te pose, mais pour essayer de préciser encore plus la question, c'est comment l'œil se développe, qu'est-ce que tu peut-être des choses que tu vois maintenant, pardon, que tu ne voyais pas avant, et peut-être pendant les matchs ou pendant les entraînements, où est-ce que tu qu'est-ce que tu essayes d'observer dorénavant, ou peut-être qu'il y a des choses que tu te focuses un peu plus. Ben, je pense déjà, tu vois, quand tu parles d'entraînement tout à l'heure, après je réponds à ta question, mais tu vois, la connaissance de ton joueur, tu vois, la connaissance de ce qu'il est capable de faire, tu vois, son répertoire. Tu vois, il faut que tu puisses le connaître pour justement. Parce que le but, c'est. Moi, mon but à moi, c'est pas de déguiser mon œil pour juste connaître. Tu vois, mon but à moi, c'est de déguiser mon œil pour donner une bonne information à mon joueur, tu vois, pour que je puisse optimiser son rendement. Tu vois, c'est ça mon but à moi. Tu vois, c'est pas justement juste je regarde des matchs et j'aiguise mon œil. Tu vois, le but c'est vraiment mon but c'est qu'il soit opérationnel pour le joueur. Tu vois, j'essaie de faire le pont entre ce que je vois et ce que je peux transmettre à mon joueur. Tu vois un peu l'idée? Tout à fait. C'est une particularité. Mais après, toi, pour aiguiser mon œil, comme je disais, il y a beaucoup tu vois des matchs et tu lis des livres, tu t'échanges avec les mecs. Mais toi, à une certaine époque, toi, t'étais beaucoup basé sur les systèmes de jeu, tu vois. C'est-à-dire un truc très, très statique, très, qui bouge pas, tu vois. Un système, c'est 4-3-3, 3-5-2, 4-1-4-1, ce que tu veux, tu vois. Il y a plein de systèmes, tu vois. Et du coup, mais j'ai eu besoin de ça, tu vois. J'ai eu besoin de ça, d'un truc assez statique, assez fermé, parce que pour te rassurer, je pense, le joueur aussi a besoin de ça. De se rassurer dans un truc assez statique et essayer de couper le dynamisme du jeu. Je sais pas si je me fais comprendre, Bien sûr, pour bien essayer sûr. essayer de comprendre certaines choses. Après, au fur et à mesure des années, le système, c'est quelque chose que, je vais pas dire qui m'intéresse, ça m'intéresse, tu vois. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la dynamique du jeu. Tu vois, la notion d'espace, la notion de trajectoire, tu vois, les notions d'appel. Tu vois, c'est ça qui va me permettre, parce que tu te rends compte que maintenant les systèmes ils bougent, tu vois, beaucoup d'équipes, de match en match ils bougent, mais à l'intérieur du match ils bougent en termes d'espace de jeu, en termes de est-ce que quand ils sortent le ballon ils sortent à X joueurs, quand ils défendent à X joueurs, tu vois, c'est et tu vois la dynamique de jeu aujourd'hui c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tu vois, cette notion de tu vois, quand tu dis souvent j'agrandis le terrain, je rapetisse le terrain, ouais, comment, tu vois. La notion de ligne de passe. Tu rapetisses le terrain en coupant des lignes de passe, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es Ouais. orienté d'une façon ou d'une autre, bah, la dynamique de jeu, elle est totalement modifiée, tu vois. Et c'est ça la richesse du football, c'est que rien qu'une simple orientation t'ouvre ou te ferme des possibilités. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et tu vois, je suis passé d'un truc très statique à un truc un peu plus dynamique, tu vois, un peu plus à dynamique de jeu, tu vois, espace de jeu, c'est des choses qui me parlent beaucoup, tu vois. Tu vois, les relations entre les partenaires, les relations qui sont liées aux ressources de chacun, tu vois. Tu vois, le réseau que tu crées entre tes joueurs, elle dépend beaucoup des qualités des mecs. Tu vois, des complémentarités des mecs et les connexions, entre chacun des mecs, tu vois, c'est ça qui fait la complexité du jeu, en fait. Tu vois, si tu mets un joueur A ou un joueur B à telle position, c'est pas le même rendu au final. C'est-à-dire que même si tu parles de système qui est très figé, au final, finalement, c'est pas le même rendu. Et après, je t'explique même pas je t'ai même pas parlé encore de l'adversaire. J'ai pas encore posé la Qui question va, concernant qui. l'adversaire, oui. Tu vois, qui va te, forcément te. Comme c'est un jeu un peu d'incertitude qui va où tu essaies de duper l'adversaire, c'est tu vois c'est ça fait ça provoque d'autres choses. Vois, et c'est ça et c'est pour ça que même si tu regardes un match de foot, tu t'ennuies rarement parce que un match de foot, il est rempli d'informations en fait. Non, complètement, complètement. Non, je suis. Non, ouais, là, on commence à parler de ballon. Là, ça commence à. T'as commencé à parler de dynamisme. T'as commencé à. Là, ça. Mais là, ça nous prendrait énormément de temps de rentrer dans tous ces détails-là, ça, c'est sûr. Et dis-moi, pour rentrer juste avant de. Il te reste encore un peu de temps, Kevin, ou pas? J'aime bien poser la question quand même, histoire d'être à l'aise. Non, non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, ça va, ok. Ça va te faire plus de temps pour toi pour découper, hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, j'aimais bien faire le parallèle là entre ce que tu disais par rapport au joueur, parce que toi, j'aime bien, je vois que tu mets le joueur au cœur de ta démarche j'ai mis aucun jugement là-dessus, au contraire, je prends. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui te montrent aujourd'hui, je pense que mon joueur va faire une bonne séance d'entraînement. Je pense que mon joueur va faire un bon match. Ou à l'inverse, il y a des indicateurs qui montrent, je pense que aujourd'hui mon joueur il va être un peu en dedans. Ou aujourd'hui, je pense que mon joueur il va pas forcément faire un très bon match. Bien sûr que tu as la connaissance de ton joueur, qui va peut-être te dire, ah, peut-être que, parce qu'à force de le connaître, tu te dis, ah ouais, aujourd'hui, parce qu'avec l'expérience, un jour il a fait ça, tu te dis, ah, il a fait un mauvais match, tu te dis, ah, merde. Mais en fait, je pense qu'il y a Il n'y a aucun lien de cause à effet linéaire. Je pense pas. Parce que combien de fois, ça a dû t'arriver, hein? Veille de match, séance pourrie, et le lendemain, tu fais un bon match. Combien de fois, veille de match, tu as fait une super séance, le lendemain, mauvais match. En fait, c'est tu vois, la vie, elle n'est pas faite de... C'est pas A plus B est égal C. Tu vois, c'est pas, moi je trouve pas que ce soit vrai, même si l'entraîneur il a besoin quand même de ces informations là pour justement et grâce à son expérience vécue avec les joueurs de pouvoir appréhender ça et peut-être changer son discours, etc. Tu vois, il y a des possibilités, mais je pense pas que tu vois avoir un indicateur fixe, figé, fermé, dire parce que le joueur il a mis 10 minutes pour changer au lieu de 8, il va faire un bon match. Enfin, je crois pas au truc trop fermé, tu vois. Je pense que c'est utile parce que tu as besoin quand même d'un truc à quoi te raccrocher quand même, tu vois, sur grâce à ton expérience, mais je crois pas à un truc très très fermé parce que l'être humain il bouge, l'être humain il est en constante évolution. Tu vois, ce qui s'est passé mercredi, c'est peut-être pas valable samedi, tu vois. Non, je te dis, c'est des questions complètement naïves que je me pose, que je suis content de te poser à toi, qui a pu avoir un regard dessus, et puis cette question me revient très bien. Donc là, on était avant le début du match, là je rentre un peu pendant le match, le match a commencé, t'as commencé à parler de deuil qui s'aiguisait, notamment par la notion de système. On est en Gambardella, on est durant les matchs, pendant le match, qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les, tu sais, toi, l'entraîneur, que le match se passe bien ou pas? Quelles sont les choses à quoi tu, quelles sont les choses qui te, tu sais, je dirais dans les 15-20 premières minutes, quelles sont les choses qui te semblent importantes à regarder? Qu'est-ce qui te montre? Tu sais, qu'est-ce qui te montre qu'on fait un bon match? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes l'adversaire? Est-ce que tu regardes ton équipe? Est-ce que tu regardes... Non, je vais me contenter de ces questions-là. Je pense que tu as compris à peu près où je voulais en venir. Bah, déjà, ça dépend de la relation que tu as avec le coach. Moi, je suis adjoint. Bien sûr. Tu vois, ça veut dire que c'est un travail que... La chance qu'on Mais c'est une question aussi intéressante, hein, à un adjoint. Ah, justement, c'est une posture... je me permets de te couper, excuse-moi, mais t'es probablement, j'essaie de me revenir, non, j'ai eu un échange avec analyse vidéo, un échange avec un préparateur physique, mais tu es la première personne que j'échange ou qui a un rôle d'adjoint qui est, je pense, essentiel dans une équipe technique, mais vas-y, je t'en prie, excuse-moi, Kevin. Mais comme je te dis, ça dépend de la relation avec l'adjoint, tu vois, c'est parce que le numéro 1, c'est dire que nous, on a fait de nombreux entraînements ensemble, de nombreux matchs ensemble. Du coup, on a eu le temps de parfaire notre organisation, tu vois. Et du coup, pour cette finale, tu vois, mon but, c'est aussi un peu de voir un peu ce que l'adversaire nous propose, c'est donner un peu une idée au coach, tu vois. Après qu'on discute ou pas, tu vois. C'est lui qui prend les décisions. Après, il y a le rapport de force, tu vois, qui est important. C'est un mot qui enfin, c'est pas un mot, c'est des mots qui sont hyper importants, tu vois. Est-ce qu'il y a un autre faveur, un autre défaveur, dans quelle zone du terrain? C'est des choses qui doivent être analysées, je pense, tu vois. Bien sûr, la première des choses, c'est que tu dis, bon, allez, comme je disais tout à l'heure, tu vas te sécuriser sur leur structure statique, leur système de jeu. Tu vois, au bout de très rapidement, tu le vois, ça. Et après, le but que tu essaies de voir, c'est, vas-y, les connexions entre les joueurs, le rapport de force, est-ce que ce qu'on a voulu mettre en place au début, est-ce que ça fonctionne ou pas, tu vois. Et après, tu proposes au coach, voilà ce que j'ai vu, et puis après, les décisions lui appartiennent aussi, tu vois, mais l'idée, c'est ça, c'est le but, c'est toujours de dire, je suis dans le match, même si je suis une posture assez reculée, c'est d'être acteur de son match, et pas juste être assis et posé, tu vois. Être acteur de mon match et pouvoir aider sur différents aspects du jeu. Est-ce que tu vois la façon de s'en sortir aussi de la meilleure des façons possibles aussi, tu vois. Mais là, par exemple, si un ouais, il y a prescription là, par exemple. Donc, je pense qu'on peut en parler. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'arrêter. Mais on est en finale. Quelles sont les idées avec lesquelles vous partez, par exemple, par rapport à cet adversaire-là du jour? Et quelles sont finalement l'opposition, le rapport de force qui vous est proposé? Et comment vous vous adaptez là au bout de 25-30 minutes? Bah déjà, on avait une équipe, une équipe de Toulouse qui était d'une grande qualité, tu vois, avec un haut niveau technique, qui était capable de garder le ballon. Tu vois, on avait eu l'idée d'aller les presser un peu plus haut, tu vois, essayer de couper des lignes de passe. Et pouvoir récupérer le ballon le plus haut possible, comme on fait de manière habituelle. Là, Toulouse nous a posé des problèmes sur cet aspect-là, où on n'a pas réussi à récupérer les ballons aussi haut. Bah, après, on a juste... dire aux joueurs que c'était peut-être plus difficile de récupérer les ballons aussi haut qu'on voulait. On les a récupérés un peu plus bas, mais c'était plutôt intéressant, tu vois. Du coup, on a eu le ballon, on a eu des moments de possession, et puis voilà. Et comment vous vous adaptez? Surtout, tu vois, l'idée... Vous dites quoi aux joueurs? Finalement, vous vouliez récupérer le ballon, j'imagine, quoi, à 35 mètres de leur but, 40 mètres. Finalement, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des décalages, parce que système, parce que finalement, ça passe au-dessus, ou ça passe trop vite, ou... Et finalement, comment vous vous adaptez? Non, mais ils avaient une bonne maîtrise technique, hein, tu vois, du coup, c'était plus difficile. Et du coup, quand tu presses un peu plus haut, bah, tes lignes, elles sont quand même plus longues, entre guillemets, tu vois, entre la ligne médiane et où le ballon il était, du coup, t'as plus d'espace entre les lignes. Après, nous, les attaquants, ils ont reculé peut-être de 5 à 10 mètres, du coup, t'avais peut-être un peu moins d'espace, et du coup, c'était un petit peu mieux. Mais après, tu vois, c'est... Au final, on en parle comme ça, mais aussi bien, c'est même pas ça qui a permis de gagner le match. Tu vois, c'est peut-être un niveau de fatigue. Peut-être qu'à un moment donné, on a eu un déclic aussi sur une action. Tu vois, c'est très, très. C'est notre travail d'analyser aussi l'après-match, mais c'est très, très multiple, tu vois, ce qui peut se passer, tu vois, dans un match. Non, bien sûr, mais on fait que d'une sortir d'une anecdote qui n'est absolument pas le résultat de tous les matchs, et chaque match a une histoire différente, mais c'était pour voir un peu comment toi tu vis le match, comment vous avez vécu le match, pour sortir un exemple un peu concret pour en plus une anecdote avec une émotion positive. À ce moment-là, il y a combien à la mi-temps? 0-0. Ok. Et c'est quoi un peu les mots de la mi-temps? C'est quoi un peu l'objectif? Comment vous vous adaptez? Bah, la mi-temps, bah, c'est surtout, comme je t'ai dit, on parlait de tard d'être positif. Tu vois, c'était quelque chose d'un discours qui était relativement projeté sur l'avenir. Dire qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Tu vois, qu'on était bien dans le sens où être 0-0 entre guillemets à la mi-temps, c'est qu'on est encore dans l'objectif, tu vois. Tu perds 4-0 à la mi-temps, peut-être que le message est différent, mais à 0-0 à la mi-temps, on est encore dans l'objectif qu'on voulait, qui était de gagner cette finale, tu vois. Et du coup, et après, la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on marque tout de suite, tu vois, peut-être à la 46e ou 47e minute, tu vois. Du coup, ça te fait une deuxième seconde mi-temps qui donc tu rentres dans le second mi-temps avec une légère avance, quoi. D'accord. Ok. Et voilà, c'était l'idée d'être positif et rester dans ce qu'on faisait. Ok. Finalement, est-ce que le but intervient sur quelque chose que vous avez mis en place, que vous aviez envisagé, ou non, c'est un fait de jeu? Non, c'est un but qui est lié à la qualité des joueurs qu'on avait, tu vois. C'était un très beau but, tu vois, une très belle passe, un très beau tir. C'est quelque chose de, je sais pas forcément quelque chose de, entre guillemets, qu'on a dit à la mi-temps ou qu'on a, mais c'était quelque chose de très spontané, tu vois. Mm-hmm. D'accord. Et comment vous gérez le match sur la fin de match un peu? C'est, je sais pas comment ça se passe un peu. Bah, franchement, je vais être honnête avec toi, mais de manière assez sereine, tu vois, assez bien. On était plutôt bien dans d'autres matchs, tu vois. Et puis, par chance, je ne me rappelle plus la combien, mais par chance pour nous et malheureusement pour le joueur et pour son équipe, tu vois, ils ont un rouge, tu vois, ils ont un rouge, donc du coup, le match il change aussi à ce moment-là, tu vois. D'accord. Peut-être 15 minutes, 10 minutes après ou 15 minutes après, ils ont un rouge. Du coup, ça change aussi le match, tu vois. Il y a plein de choses qui font que le match il tourne en notre faveur. C'est tant mieux pour nous, quoi. Ouais, parce que le score finit à 2-0, donc peut-être que C'est ça. D'accord, ok. Non, non, c'est intéressant, Kevin. Ok. Et dis-moi, de toute façon, on s'approche un peu de la fin, là, on va pas se mentir, on s'approche des dernières questions, mais il y avait une question qui me tenait à cœur par rapport à l'aspect éducatif que je veux mettre un peu dans les échanges que j'ai avec les différentes personnes avec qui j'échange. Toi, quand. Évidemment, elle est peut-être encore difficile à répondre une nouvelle fois, mais. Si tu pouvais te permettre, je vais plutôt être dans la vie au quotidien avec les joueurs, à la vie à l'entraînement, la vie pendant les matchs, la saison, les relations humaines que tu as avec les joueurs. Si tu avais des conseils à, tu sais, un conseil à donner à un joueur qui est intéressé pour devenir, pour, tu sais, un joueur qui écoute ça, qui a, je sais pas, qui est sur le chemin, qui souhaite devenir footballeur. Quels sont les ingrédients que le joueur doit mettre pour essayer d'atteindre le haut niveau? Ma question plutôt, c'est plutôt toi, tu es entraîneur à l'AS Saint-Étienne depuis déjà quelques saisons. Tu as côtoyé de nombreux joueurs. Et quels sont les ingrédients qui font la différence entre un joueur qui est à l'AS Saint-Étienne, qui est un club qui forme des joueurs, qui donne la possibilité aux joueurs d'accéder au haut niveau en atteignant l'équipe première? Quels sont les ingrédients que ces joueurs mettent, pardon, pour pouvoir faire partie de l'équipe U15, puis après U17, puis après U19? Maintenant, ça a changé. Donc U14, U16, U18, puis l'équipe première. Et quels sont les ingrédients justement que les joueurs ne réussissent pas à mettre et qui décrochent? Parce que j'imagine que chaque année, vous ne gardez pas tout le temps le même groupe. Vous essayez de garder une ossature, j'imagine, entre les générations, mais parfois, il y a des joueurs qui décrochent pour certaines raisons. Est-ce que tu as compris ma question, Kevin, ou tu vois un peu où je veux en venir? Ah, j'ai compris. Ouais. J'ai compris. Bah, elle est dure ta question quand même, hein. Elle n'est pas Ouais, bien sûr, évidente. bien sûr. Parce que après, ça rejoint un peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, tu Bien vois. sûr, mais si. Ouais. J'ai toujours pas de recette magique. Après, tu vois, moi, ce que j'ai envie de dire à un jeune de cet âge-là, c'est de croire en lui, tu vois, d'avoir confiance en lui. Mais une confiance en lui que je dirais ouverte. C'est-à-dire qu'une confiance qui ouvre la possibilité de se remettre en question et qui permet aussi aux gens qui sont autour de lui de le remettre aussi en question, tu vois. Je pense que c'est l'une des plus grandes qualités d'un être humain. C'est déjà, si t'as pas confiance en toi, ça me paraît difficile d'avancer, tu vois, de proposer des choses, de tenter des choses. Mais pas une confiance aveugle. Tu n'as pas une confiance, dire je sais comme ça qu'il faut faire. Tu vois, j'ai pas cette confiance-là, mais une confiance plutôt, comme je viens de l'inventer, ce truc-là, une confiance ouverte qui permet aux bonnes personnes, tu vois, aux bonnes personnes que j'ai identifiées comme telles, qui me permettent justement de pouvoir m'enrichir encore plus, tu vois, de pouvoir apprendre. Des fois, ils vont me dire des choses qui me plaisent pas, des fois des choses qui me plaisent, des fois je vais prendre, des fois je vais pas prendre. Mais tu vois, je pense que ça joue aussi beaucoup là, tu vois. Je pense que c'est, pour tout être humain, c'est aussi l'idée de ça, tu vois. Après, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut croire en soi, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment, tu vois, l'idée de dire, vas-y, je suis prêt à échanger beaucoup pour m'enrichir, en fait. Je prends Kevin. Comme ça, on s'approche de la clôture de notre échange de façon formelle. J'ai trois questions pour clôturer un peu l'échange, Kevin. Tu les as peut-être déjà entendues, et puis, mais tu as déjà commencé à y répondre. Je pense que tu gères comme tu veux. La première de mes questions, c'est Kevin. C'est un peu pour moi aussi que je demande. Si tu as des petits secrets, notamment j'ai déjà été amené à en poser en introduction, comment tu continues de progresser? C'est quoi tes petits secrets pour continuer à... Puis je sais que tu es dans cette démarche-là, justement, tu l'as mentionné notamment dans ton échange, mais je le savais déjà à ton propos. Comment tu continues de progresser? Comment tu continues de te former? Tu vois, il y a deux types de formations. Il y a les formations, entre guillemets, fédérales, qui sont très enrichissantes. Ça, c'est déjà le premier point. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de se former, tu vois, en termes de diplôme. Tu vois, il y a aussi pas mal de séminaires ou de choses comme ça, tu vois, de séminaires ou de diplômes universitaires. Pour certaines personnes, ça peut aussi les intéresser. Tu vois. Je pense que ça, c'est un truc qu'il ne faut pas arrêter, tu vois, entre guillemets, des formations qui sont... institutionnalisé, si ouais. Je pourrais utiliser ce terme-là, c'est très important, je pense, parce que le contenu est intéressant, l'échange entre les différents protagonistes il est aussi intéressant, du coup, je pense que c'est une priorité. Et après, je dirais là, une formation qui est sans doute personnelle, peut-être, tu vois, où là, c'est beaucoup de lecture, tu vois, beaucoup de, comme je disais, de conférences, des conférences aussi sur Internet, ou des conférences réelles, et les échanges, tu vois, avec les éducateurs. Tu vois. Ça, c'est, je pense que... Et puis, tu vois, il y a ça, et puis il y a être très en alerte. Ouais. Mmh. Tu vois, être capable de choper les informations aussi, d'être là au bon moment, de vivre sa vie pleinement. Parce que dans ta vie, t'as plein d'informations. Même si des fois, t'es pas au foot, mais je suis convaincu que si tu développes l'homme, tu développes l'éducateur. Du coup, tu vois, j'essaie d'être au maximum en alerte possible. Et tu vois, ces deux types de formations qui pour moi, me semblent. En tout cas, c'est ce que j'utilise. Pour l'instant, j'aime bien. Après, on verra dans quelques années comment ça se passe. Mais tu vois, continuellement, tu as des informations et après, tu as l'information, mais il faut aussi être capable aussi de traiter l'information. Parce qu'on est aussi dans un monde où... Il y a tellement d'informations. Tu vois. Ouais. T'en as tellement que des fois, tu peux t'y perdre. Tu vois, bien sûr. Et ça, c'est aussi un travail, tu vois. C'est un gros travail que l'éducateur doit faire sur la qualité de l'information qu'il va prendre. Et c'est comme là, tu vois, on fait un podcast, j'ai dit des choses... Tu vois, j'ai envie de dire aux gens si des gens écoutent ce podcast, j'ai envie de leur dire, mais remettez aussi en question ce qu'on vient de dire, tu vois. Même si des fois tu dis, ah ouais, c'est plutôt intéressant, mais alors, remettez en question et. Parce que c'est ça, en fait, quand tout à l'heure on parlait de digérer, c'est ça aussi, tu vois. De dire, est-ce que l'information est bonne? Si elle est bonne, qu'est-ce que j'en fais? Merci, Kevin. Non, c'est bon, c'est excellent. C'est parfait, merci beaucoup. La deuxième question que j'ai à te poser, c'est... et là, j'avoue, tu m'as pas... J'avoue, là, je suis curieux ce que tu vas me répondre, parce que tu m'as pas donné beaucoup d'indications, et t'es bien un des premiers. Est-ce que, durant ton parcours, déjà si riche, est-ce qu'il y a eu des mentors? Et si oui, et si tu peux partager à ce niveau-là, quels impacts ils ont pu avoir sur toi? Déjà, tu vois, c'est une question qui est pas simple. Tu vois, qui est pas simple parce que j'ai connu beaucoup de personnes, foot et hors foot, et j'arriverai pas à, c'est pas que j'en ai pas, c'est que j'en ai tellement de personnes qui m'ont, et encore aujourd'hui qui m'aident. Tu vois, quand je te parlais de bienveillance tout à l'heure que j'avais eu au Stade Rancy. Absolument. Et tu vois, c'est exactement la même chose que je connais aujourd'hui, tu vois. C'est que j'ai tellement de personnes qui m'aident. Et des fois, c'est sur des petits détails, tu vois. Mais c'est ça qui me permet justement d'être celui que je suis aujourd'hui. Et c'est les différentes personnes et un micmac de choses que j'ai pu discuter avec elles ou qu'à un moment donné, qui font que, tu vois, j'ai par respect pour toutes ces personnes, je pourrais pas dire un tel ou un tel ou un tel, tu vois. Et moi, je sais ce qu'elles m'ont permis de faire, ces personnes-là, et je pense que ces personnes-là savent aussi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu vois, c'est quand même difficile pour moi de dire j'ai un mentor ou j'ai deux mentors ou j'ai ceci, cela, mais il y a des, tu vois, des gens d'avant ou d'aujourd'hui qui justement me permettent de grandir, tu vois, et d'être le meilleur de moi-même. En tout cas, j'essaye, même si j'ai beaucoup de défauts et j'y arrive pas tout le temps, mais tu vois, il y a plusieurs personnes, c'est quand même dur de. C'est pour ça que dans quand je parle, je dis rarement de nom, tu vois, parce que tu as tellement de personnes, tu vois, et aussi j'ai pas envie d'en oublier un parce qu'il y en a trop qui m'ont aidé. Ça me va. Quand je te parle de collectif, c'est vraiment une idée, tu vois, ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de collectif, tu vois, c'est pas moi tout seul, tu vois, c'est vraiment beaucoup de personnes qui m'ont permis de d'émerger en moi des choses comme ça, tu vois. Une fois de plus, Kevin, moi ça me va, c'est parfait. Je la mets en dernière parce que je peux être amené à la couper, parce que je veux déstabiliser personne. Beaucoup de bienveillance toujours, la base de mon podcast, enfin la base de mon, non, du podcast que je fais avec les gens, pardon. C'est quoi un peu les projets? Est-ce qu'il y a des projets de formation? Est-ce qu'il y a des projets... à l'avenir, est-ce que c'est quoi un peu les projets de Kevin? Bah évidemment, la situation actuelle fait que bah, les projets, on les oublie, c'est un peu au second, et puis on s'adapte par rapport au contexte, ce qui va se passer. Mais s'il y avait des choses à partager à ce niveau-là, bah, qu'est-ce que ce serait? Bah, je t'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Ouais, je pense aussi, ouais, bien sûr. Moi, je fonctionne, c'est peut-être un défaut, hein, tu vois. Je ne fonctionne pas en projet de statut. Ouais, spontanéité, ouais. Ni de dire je vais tel poste, ceci, cela, c'est, j'ai jamais fonctionné comme ça. Moi, ce que mon projet, c'est de continuer. Tu vois, les gens, ils peuvent dire ouais, c'est ça, ouais, tu c'est beau ce que tu dis, mais c'est vraiment sincère. C'est que moi, mon objectif, c'est réellement d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de voir plein de choses. Et à un moment donné, il y a des choses qui vont venir à moi, entre guillemets, tu vois, qui vont venir à moi, et est-ce que je serai assez compétent pour pouvoir le faire, tu vois. Mais je suis pas dans cette optique là de dire l'année prochaine je vais faire ci, dans 2 ans je vais faire ça. Non, enfin, j'ai jamais fonctionné comme ça. Et après, c'est un trait de caractère, mais j'y arrive pas, de toute façon, tu vois. Je suis pas quelqu'un de très très organisé, entre guillemets, tu vois. Je suis pas non plus foufou, mais tu vois, je suis pas quelqu'un de très, très organisé. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose qui, dans la vie professionnelle aussi, tu vois, c'est pas quelque chose que, enfin, c'est pas ma vision de la vie, tu vois. Moi, je profite, et puis, j'apprends des gens, je passe des bons moments, et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est ça. Ce que je peux souhaiter, c'est évidemment d'être en bonne santé pendant ce moment, et puis une bonne continuation pour la suite. Et toi aussi, hein. Ouais. Et en espérant que ton projet puisse se développer encore. À la suite de la fin de cet épisode et de cet échange avec Kevin, tout me porte à croire que le projet ne doit que continuer, parce qu'une nouvelle fois, j'ai pris énormément de plaisir de pouvoir m'entretenir avec Kevin. Je l'en remercie déjà pour sa disponibilité et sa transparence. Et si jamais vous trouvez que son contenu a pu être inspirant pour vous, que ce soit sur son parcours universitaire ou le parcours qui le mena justement à devenir éducateur puis entraîneur par la suite, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver son contenu sur différentes plateformes de podcast, comme sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Tracker, Podcast Addict, Castbox ou même YouTube. C'est un contenu audio que vous pouvez écouter. En tout cas, Si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas à retrouver footballagogie@gmail.com sur Twitter également ou sur Instagram. Et si vous souhaitez continuer l'aventure avec nous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, cette fois-ci pour un parcours à l'étranger, une expatriation dans un nouveau pays qui, je l'espère, pourra attirer, apprivoiser votre curiosité. En attendant, n'hésitez pas à prendre soin de vous évidemment, et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt.